et la Syrie. Il aurait diffusé d'ailleurs, ce Rachid Kassim, une liste de cibles sur internet, et c'est lui qui aurait commandité les trois femmes interpellées la semaine dernière. Une vidéo qui fait couler beaucoup d'encre, elle tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. On y voit un jeune homme d'origine africaine ou antillaise se faire maîtriser très violemment par la police ferroviaire. La séquence a été filmée en gare d'Ermont-Aubonne dans le Val d'Oise. L'un des policiers lui maintient le bras tandis qu'un autre le prend à la gorge dans le creux du coude. De nombreux internautes parlent de racisme et font un parallèle avec l'affaire Adama Traoré. La SNCF de son côté affirme que l'individu a attaqué les agents qui voulaient le contrôler. Un malaise qui fait beaucoup parler, qui tombe très très mal. Hillary Clinton a fait un malaise hier à New York en pleine cérémonie des attentats du 11 septembre. Il y a 15 ans, la candidate démocrate a été évacuée et est partie se reposer chez sa fille. Le diagnostic est tombé un peu plus tard. L'ex-secrétaire d'État souffre d'une pneumonie et doit annuler tout son programme d'aujourd'hui et de demain. Cela faisait un petit bout de temps qu'elle toussait beaucoup. Certains y voient déjà un manque de transparence à 2 mois de la présidentielle. Du foot, avec la fin de la 4e journée de Ligue 1, derby méditerranéen entre Nice et Marseille qui a tourné à l'avantage des Aiglons. Score final 3-1. Et un doublé signé Balotelli pour sa première titularisation. Rennes s'est imposé 2-0 face à Caen et défaite 3-0 de Nantes contre Metz. Au classement, Monaco et Nice se partagent la première place devant Metz et Bordeaux. Paris qui a concédé le nul un partout vendredi contre Saint-Etienne n'est que 7e. Et puis à suivre ce soir l'épilogue de la 6e journée de Ligue 2. 3 se déplacent sur la pelouse de Strasbourg. Coup d'envoi à 20h30. Eh bien merci Rémi pour les infos, les premières de la journée, ouais. Les premières de cette semaine aussi. C'est ton anniversaire ? Oui. Ah, c'est ton anniversaire. Bravo à Nounette. Mais comment elle sait Nounette qui nous a envoyé un message ? Je sais pas moi. Bonjour Nounette. C'est une ex peut-être. Peut-être une ex de Rémi. Raconte-nous un peu. Non, raconte-nous pas, merci. Ouais. Attends un peu dans la matinée. Oui, attends un peu qu'on se réveille, tout ça, tranquille. Eh bien, bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Bah oui, ouais. Bon anniversaire. Et bonne journée sur Skyrock. Il est 6h du matin. C'est parti pour une nouvelle semaine. C'est parti pour un nouveau lundi et un nouveau morning. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 15 000 € en cash. 15 000 € en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Non, c'est Skyrock. Skyrock. T'as gagné 1 500 €. Bravo, Vali. Bravo. D'iPhone. Tu gagnes ton iPhone 6S. Bravo, c'est gagné, bravo. Super, merci l'équipe. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. Des campings. Une semaine de vacances gratuite, ok madame? Gratuite, bien sûr, tout à fait. Et ce n'est que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Et bonne journée, bon réveil sur Skyrock. Et attention, attention, bonjour, l'iPhone bonjour. 7 a gagné. Bonjour Romano, les 1 500 € à gagner. Bonjour Cariole. Bonjour. Les conneries à faire tout au long de la matinée. Bonjour au reste de l'équipe. Bonjour Sam des réseaux sociaux. Salut. Et Karim du soir qui est là le matin pour remplacer Cédric qui n'a plus de clavicule. C'est compliqué ça, dites donc. Hein. Oui. Faites attention si vous êtes en moto, en scooter. Cédric est toujours dans son lit. Alors j'ai la nouvelle, je vous les donne. Il ne peut pas se laver tellement qu'il a mal. Alors, j'explique pas le problème sanitaire. Qui est en. Je place ses voisins, moi. Qui est en cours dans le quartier, Romano. Pas dans la maison, dans le quartier. Ah ouais, Cédric. Ça m'étonne pas, hein. Et oui. Ah, et l'odeur, pareil. On le salue, Cédric, en tout cas, là. Ah, et bien, écoutez, nous, on a bien démarré la semaine, parce que nous, on est en pleine forme, hein. Si Cédric a plus de clavicule, enfin, s'il a une clavicule, elle est cassée, hein. Nous, pleine forme pour une nouvelle semaine qui démarre avec vous tous et vous toutes, évidemment. Notez bien les numéros, d'ailleurs, pour nous joindre. Je vous parlais de cadeaux, je vous parlais des 1 500 €. Je vous parlais également de l'iPhone 7 qu'on va vous offrir tout au long de la matinée. Pour les 1 500 €, c'est simple. Vous attendez qu'on vous appelle. Et si on vous appelle, vous répondez Skyrock quand je vous demande quelle est votre radio préférée. Vous pouvez même augmenter vos chances de gagner si vous voulez. D'ailleurs, tiens, faites-le maintenant. Le 7-20-20, vous envoyez 1 500 au 7-20-20. Ouais. Et peut-être qu'on vous tirera au sort ce matin pour les 1 500 €. Pour nous laisser des messages, c'est au 41-759. Et on salue d'ailleurs les premiers qui sont réveillés. Bonjour à Monsieur Titanium. Bonjour à RielCI. Bonjour RielCI. Ça fait chaîne de télévision, ça. Bientôt, on va voir. BFM qui va nous laisser peut-être, un message. Ouais, peut-être. Il y a Dabs du 71, là. Big up. Big up et Big up la Bourgogne. C'est le 71, c'est la Bourgogne. Hein. Ouais. Bon, bonjour à tous les autres. Donc, vous le voyez, vous nous laissez vos messages, vous débarquez ici en direct. Et puis, les rendez-vous du morning, les nouveaux rendez-vous du morning de cette année. Le réveil de star, c'est dans 7 minutes, même pas. C'est qui la star? La star, c'est lui. Allô? Vous n'êtes pas reconnu? Non. Attends, non, fais voir. Vous n'êtes pas reconnu? Allô? Allô, oui, il m'a dit autre chose, du con. C'est Jean-Luc. Ah, merde. C'est Jean-Luc. c'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, l'homme qui parle avec. En fait, il est plusieurs personnes en lui. Je crois qu'il est très intelligent, Jean-Luc Reichmann, a plusieurs personnes en lui. Ça va? Moi, ça va. Toi, ça a l'air d'aller moins bien, mais c'est, il me fait plaisir de t'avoir avec nous, Jean-Luc Reichmann, ce matin. Ça va être énorme. C'est énorme. Mais oui, c'est énorme. Ah, bah ça, c'est sûr. Jean-Luc qui va réveiller les familles de France. C'est le réveil de stars. Eh bien, on va. C'est quand même un des idoles de carriole. Une des idoles. Moi, j'aime bien. Oui, c'est vrai, une de tes idoles. Ouais. Hein, une de tes idoles avec, avec qui? Avec Tex. Avec Tex. On fait dans le lourd ce matin. Putain, on est gâtés. Ah, et Thierry Beccaro aussi. Ah, j'adore. Un Motus, bah, attends, mythique. Génial. Bon, allez, on prépare le réveil de star et on va se marrer ce matin. Attention, préparez-vous et écoutez du bon son aussi pour se réveiller. C'est DJ Snake qu'on retrouve avec Justin Bieber. Ah, ouais, les deux. Ouais, Let Me Love You, c'est sur Skyrock. Une belle journée avec vous. Et qu'est-ce que ça va donner? Les Français réveillés pour Jean-Luc Reichmann. Bon, c'est tout, tout de suite après. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Il est content, hein, Jean-Luc. Il est content, puis il a rire très naturel. Ah ouais. Jean-Luc Reichmann. Allez, 6h04 sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock dans le morning. C'était Let Me Love You. On va vous offrir 1 500 € dans moins d'une demi-heure. D'ailleurs, je voulais faire un petit coucou à nos gagnants de la semaine dernière. On a eu plein. Ouais. Ah, bah, il y en a eu un paquet, ouais. Ah oui, t'aimerais bien être parmi les gagnants, hein. On verra ce matin. Tu aimerais être Ingrid de Valence. Ah, bah, Ingrid. Et oui, Romano, tu aimerais être Ingrid de Valence. Bah, grave. Mamadou de Nanterre, t'aimerais bien être Mamadou de Nanterre. Non, mais moi, j'aimerais être tous les gagnants, moi, ouais. Tu aimerais également être Gwendoline du Mans. Bah, ouais. Oui, tu aimerais bien. Et Dalila de Montpellier, tu vois. Ah, bah, aussi, Dalila oui. Dalila de Montpellier, hein. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on m'appelle Dalila ce matin. On va t'appeler Dalida ou Gwendo. Voilà. Les deux. Non, c'est les gagnants de la semaine dernière. On dit bravo à Moussa du Havre, à Kylian de Grenoble aussi qui a gagné. Tariq d'Argenteuil. Bravo à tous. Félicitations, hein. 1500 euros qui sont tombés bien la semaine dernière. On va encore se faire plaisir. Ah bah oui, et puis c'est toutes les demi-heures les 1500 euros. Je voulais pas redire, mais on continue parce que c'est la rentrée. Et que la rentrée, ça continue de coûter cher. Ouais. 1500 euros à gagner, c'est pour vous, c'est sur Skyrock. Ce sera à 6h30 pour le premier rendez-vous. Il sera comme ça toutes les demi-heures jusqu'à la fin de l'émission. Ouais. Plein d'occasions de gagner plein d'argent. Eh oui, Carriole. Eh ouais. Et Carriole va finir mes phrases. Ouais, mais c'est ça, ouais. Vous écoutez Skyrock. C'est bien, Carriole, c'est bien. Et on va retrouver le réveil. Et là, Jean-Luc. Ça. Oui, tu vois, Romano, il en a absolument rien à foutre. Lui, il veut voir Jean-Luc Reichmann qui doit être là. Ah, bah là, mais puis dans la radio, je vais le voir grave. Là. Oui. Allô? Oui, oui, Jean-Luc. Voilà, c'est Jean-Luc Reichmann, c'est l'heure du réveil de star. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Il y a une bonne ambiance. Ah bah oui, oui. Ah bah ouais, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, tu as l'air en forme, Jean-Luc. Eh ben écoutez, moi aussi. Eh ben moi aussi, je vois que, oui, tu vois qu'on est en forme également. Bah oui, c'est lundi quand même. Hein. Jean-Luc Reichmann qui va réveiller la famille de Christian, je crois, pour démarrer cette journée. Ah bah Christian a de la chance. Oui, Christian a de la chance. Vous aimez bien, vous aimez bien Jean-Luc Reichmann. Carriole, on a appris que oui. Ah bah elle est fan de lui. Elle est fan. tu le trouves naturel, très drôle. Très drôle, naturel, classe, sympa. Classe aussi, très classe. C'est vrai, c'est Jean-Luc. Je m'appelle Jean-Luc, moi. Mais oui, je sais. En plus, j'adore, il a une tache de vin sur le nez. Oui, bah, Carriole a envie de le lécher chaque fois qu'elle regarde la télé. Jean-Luc Reichmann, tu sais dans quelle émission on le retrouve, Karim, toi qui regarde pas trop la télé? C'est les 12 coups de midi, non? Bien, que tu es intelligent, bravo. Eh, voilà, man. Les 12 coups de midi, le présentateur. Et c'est Jean-Luc Reichmann. Mais oui, c'est Jean-Luc Reichmann. Oh. N'empêche qu'en ce moment, là, il y a un candidat, là, le maître de midi, ils appellent ça, là. Le maître de midi. le mec, il en est, mais à combien? Plus de 60 victoires, le mec, il a pris plus de 300 000 euros, il est toujours là. Est-ce que tu aimerais être le maître de midi? Christian, oui. Il s'appelle. Christian. Ouais, j'aimerais bien, mais avoir plus de dents que lui. Parce qu'il a plus de dents. Ah non, monsieur Christian, non mais... Il lui en manque quelques-unes. Non mais Christian, non mais c'est joli parce que le mec, il est arrivé, en fait, il avait plus du tout d'oseille, il lui restait 60 euros. D'ailleurs, à l'époque, il avait plus du tout de dents. Et petit à petit, il gagne. Mais là, je pense qu'il s'en remettra, ouais. Parce qu'en fait, c'est un mec qui galérait et tout ça. Et belle histoire. Et c'est un super champion, ouais. Bravo, mais le mec... super champion Christian. Le mec, putain, lui pose des questions des fois. Mais même lui, si je pense qu'ils essayent de le baiser parce que le mec, il doit leur coûter trop de thunes. Et tu vois, le mec, et Jean-Luc, il lui pose des questions et le mec, il répond. Et tu vois, Reichmann, sa gueule, il se décompose. Bravo, Christian. Et très naturellement. Mais vous savez ça, Christian? Oui, ça fait plaisir. Alors ça me fait plaisir. Ah oh bah ça s'entend, ouais, oui. Grave, ouais. Allez, réveil de star, c'est parti. Jean-Luc Reichmann qui réveille justement un Christian en France. On va voir ce que ça donne ce matin à 6h10, comme tous les matins, le premier réveil de star. Oh, quelle belle musique. Allô. Générique. Allô. Oui. Christian. Oui. C'est Jean-Luc. Ouais, c'est Jean-Luc, ouais. Ça va? Ouais, toi? Eh ben oui, plutôt. Ah. Et vous êtes accompagné dans la vie, non? Oui, pourquoi? Et ça fait combien de temps? Oh oui, je ne réponds pas à des questions à n'importe qui comme ça. On va parler de votre libido. Non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? Ça va être énorme, c'est énorme! C'est n'importe quoi. Pour toi, c'est quoi faire l'amour? Bon, tu te présentes, tu dis qui que t'es, tu te fous pas de ma gueule. Je m'appelle Jean-Luc, moi. Quel Jean-Luc? C'est Jean-Luc Reichmann. Oui, Jean-Luc Reichmann, tu arrêtes tes conneries. C'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Oui, de TF1, oui. Mmh. Alors ça me fait plaisir. Bon, et je te préviens, moi je vais porter plainte, hein. Eh ben écoutez, moi aussi. Oui, n'importe quoi. Il sait que vous. Mais j'en sais rien, il dit que c'est Jean-Luc Reichmann. Merde. Il y a une bonne ambiance. Eh ben oui, parce que je ne sais pas qui c'est, t'as des questions qui ne correspondent pas du tout. Excuse-moi, est-ce que tu peux me dire comment se fait un bisou et plus si affinité? Ah, et on a autre chose à faire que de parler à des questions comme ça cette heure-ci. Ah, moi je te préviens, je fais une recherche pour savoir qui c'est qui m'appelle et je porte plainte. C'est Jean-Luc Reichmann. Quel âge a votre zizi? Bon, tu fermes ta gueule et tu fais plus chier. Oula, d'accord. C'est très drôle la question du zizi, très très drôle en tout cas. Merci Jean-Luc. Ah oui. très drôle. Et d'ailleurs, ça a fait raccrocher notre ami Christian. Ah ouais, c'est Christian. Bah, il fait Jean-Luc Reichmann, qui sait, c'est Jean-Luc Reichmann. Bah oui, c'est lui en plus. C'est, bah oui, c'était Jean-Luc Reichmann de TF1, mais le vrai, hein. Ouais, ouais, ouais. Le vrai qui réveille les familles de France. On verra la suite tout à l'heure. Le prochain rendez-vous avec ce très très drôle Jean-Luc Reichmann. Grand succès auprès des familles. Eh ben, tu sais que le de rire comme lui. Hein. Non, mais le rire à la fin. On va vous retrouver les rires de Cédric quand il est bourré. Il a exactement le même rire. Cédric serait-il Jean-Luc Reichmann? T'as pas l'impression que Cédric est ivre mort? Je vais vous les trouver, bougez pas. Allez, je vous les trouve pendant 3 minutes. Quand je dis ça, en fait, il y a toute l'équipe qui en production est en train de rechercher les sons. Putain, il y a l'autre compte d'Ifou, il veut un son parce que l'autre compte Romano lui a demandé. Oh là là. Dans un instant, on retrouve ça. Allez, préparez-vous. Et puis l'invité mystère. Je n'ai pas dit qu'on jouait avec l'invité mystère. Non. Eh bien, c'est l'iPhone 7 qu'on va vous offrir grâce à l'invité mystère dans un instant aussi sur Skyrock. Ça fait tout délirer de parler sur cette musique toute chelou. Eh, hey, qui sera le maître de l'invité mystère? C'est peut-être vous. Préparez-vous après Justin Timberlake. Un gros souvenir de Justin Timberlake. On écoute My Love. C'est sur Sky à 6h. Tous les matins, 6h-9h, c'est le Morning Daddy Fool sur Skyrock. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. Once again, but he still has fan from Peru to Japan. Hey, listen, baby, I don't wanna ruin your plan. Nah. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls worldwide throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. And yeah, you don't really wanna let a chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Why? Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wild? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. But baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie, I feel your space. Don't forget your face, I swear I will. St. Bart's, Anguilla, anywhere I cheer. Just bring with me a pair, I will. I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You can be my baby, when you're making my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. Une chanson que je dédicace à Cariole et à toutes les filles qui nous écoutent, les millions de femmes qui se réveillent avec Skyrock. C'est gentil. Merci, ça a l'air de te faire très plaisir, Cariole. Ça te fait plaisir. Non, mais en même temps, j'allais dire tranquille, quoi. Eux, ils draguent ma meuf devant moi. Heureusement que t'as rajouté à toutes les filles. Ah, bah, je croyais que t'écoutais. T'avais un casque sur la tête, je croyais que t'écoutais. J'écoute Skyrock, là, ouais. Ah, ouais, t'écoutes Skyrock, toi aussi. Ouais, je suis dessus, là. Ah, t'es branché sur Sky le matin, toi. C'est pas mal jusqu'à maintenant. Ouais, écoute, on va essayer de continuer ce matin. Voilà.

beaucoup. Toi aussi, t'es pas mal, fallait être rapide. Vous êtes plein à avoir trouvé la bonne réponse là sur ce coup. Hein. Il y en a plein qui se sont trompés, ils croyaient que c'était Balotelli. Ouais. Ah, bravo à Balotelli qui a fait une entrée de fou en. À doublé. En première ligue. Enfin, première ligue, non. En Ligue 1. En Ligue 1, plus précisément. Avec Nice. Oh oui, avec Nice, puisqu'il a démarré hier soir. Au bout de quelques minutes, pam, penalty, il marque. Et deuxième but pour Nice, pam, il le marque aussi. Il le marque, ouais, doublé. Vous savez qu'il a marqué deux fois. Il a marqué deux buts alors qu'il avait marqué deux buts. En deux ans. Ouais. En deux ans. En deux ans. Ouais, j'ai vu parce que j'ai un des téléfoot dimanche matin. Là, il l'a fendu de soirée. Il avait des très mauvaises statistiques. Eh bien, voici tout de suite ton iPhone 7 à la maison et les dernières nouvelles de Zlatan. Bah, merci à toi. Bonne journée, Nico. Salut, Nico. Ciao, Nico. À vous aussi, merci. Ciao, l'équipe. Salut, Nico. Ciao. Et vous aussi, vous vous retrouvez sur Skyrock tout à l'heure. Si vous voulez gagner avec nous, on rejoue dans une heure. Mais avant ça, eh bien oui, les dernières nouvelles footballistiques, bien sûr. Et une interview de Zlatan sur laquelle on est tombé ce week-end. Vous savez, la chose qui lui manque le plus à Paris, hein, vous pensez à ses coéquipiers, pensez peut-être au public parisien. Eh ben non. La France, Paris. Non plus. Paris, la capitale. et Cariole me montre de l'argent. Et oui, ce qui lui manque c'est le ça, plus. Ouais. Écoutez ce qui lui manque le plus à Paris. C'était une interview de Zlatan ce week-end. I miss my last salary from Paris. C'est ça. That is what I miss. Oui. Alors, pour traduire exactement, ce qui me manque le plus de Paris, mon dernier salaire du PSG, voilà ce qui me manque. Parce qu'en fait, ils l'ont pas payé. Ouais, a priori, ils l'ont pas payé. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Il réclame 3 millions d'euros à son ancien club. Et il a l'éventualité, s'il est pas payé, il envisage l'éventualité de les attaquer en justice, le PSG. Ah non. Bah, en même temps, ouais, il a 3 millions ouais. d'euros. Pourquoi il le paye pas tu ferais quoi, Romano, si par exemple. Bah, déjà, moi, je serais pas parti sans le pognon, moi. Skyrock te devrait 3 millions d'euros. Bah, je monterais où il faut monter. Oh dans le bureau du PDG. Dans le bureau du PDG. Bah, ouais. Il a qu'à aller voir Nasser, ouais. Le président. Oui, c'est vrai. Nasser, si tu nous écoutes, t'as oublié de donner un petit peu de sous à Zlatan, il est pas content. Faut payer les 3 millions qui manquent. Oui, faut se mestier parce que quand Zlatan il est pas content, il est pas content. Attention, hein, fais attention. Tais-toi. Tais-toi. Non, tais-toi. Mais, tu vois, je l'ai dit, il est pas content. Zlatan, donc 3 millions, il demande. Il avait touché 15 millions l'année dernière avec le PSG. Ouais. Oh, pas faire chier pour 3 millions. Hein. Non, si, moi je ferais chier, moi je le comprends. Oui, tu connais la petite phrase de Zlatan, Romano, tu crois en Dieu? Oui. Et alors, tu crois en moi? Voilà. Voilà. Ils sont dans la modestie. Une petite phrase bien modeste de Zlatan Ibrahimovic. Tiens, en parlant de modestie, il y a une petite phrase de Cristiano Ronaldo, puisqu'on est sur le foot, on a parlé de Balotelli, on parle de Zlatan. Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a dit, alors là, c'est la phrase, je me la pète pas du jour. Si j'étais président du Real Madrid, et si j'avais un joueur comme moi, ouais. Eh bien, je me prolongerais pour au moins 10 ans. au moins. Ça, c'était la petite phrase du jour. Il est presque aussi bon que Zlatan, Cristiano Ronaldo. Presque, ouais. Hein, presque. Bon, en tout cas, bravo à Nico qui a gagné son iPhone. Ouais. Bravo à Zlatan qui a encore marqué ce week-end. Bravo à Balotelli. Et Cristiano, il a marqué ce week-end? Il me semble que Il en a mis un. Et Cristiano aussi, vous avez vu, on parle que de winner, hein, ce matin. Il n'a pas mis deux. Non, il en a mis un contre Osasuna, ils ont gagné 5-2. C'est ça. Merci Rémi, premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, donc on a parlé Balotelli, on a parlé Cristiano Ronaldo et Zlatan. I'm the winner. Tu es le winner, ben oui, merci Zlatan. Bravo. Allez, 6h30, on écoute le son de Designer, c'est Panda sur Skyrock pour se réveiller avec du bon son rap US sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock. Et la radio qui vous offre 1 500 € toutes les demi-heures, c'est aussi Skyrock, préparez-vous. Juste après, Designer, Panda, et juste après les infos de Rémi, on vous appelle. On vous demande quelle est votre radio préférée. Skyrock. Et vous gagnez 1 500 € grâce à Sky. I got broads in Atlanta, just to believe in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, way and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet you ban it, hope you killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the looks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, way see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet you ban it, hope you killers understand it. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I got broads in Atlanta. visit the lean and the fan. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacy, fan, why is he lit like a panda? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, fan, why is he planning? Packers full, Danny, selling ball, candy. Man had the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your band, hope the killers understand me. Designer sur Skyrock, designer avec deux II. Designer sur Sky, on écoutait Panda à 6h32. Bon lundi et bon réveil avec Skyrock. Merci d'être avec nous tous les matins. Venez faire les cons avec nous, puis venez gagner plein de cadeaux et plein d'argent. Dans un instant, 1 500 € à gagner. Ouais. C'est pour vous, je vous en parlais il y a un instant. La première enveloppe va être ouverte. Je te laisse l'honneur, Romano, d'ouvrir l'enveloppe. D'ailleurs, t'as porté chance vendredi, t'as ouvert les deux enveloppes gagnantes. Ouais. Enfin, gagnantes. J'avais la main heureuse. C'est grâce à vous que vous avez gagné. Il suffit de répondre Skyrock quand on vous appelle. J'espère que vous serez dans l'enveloppe. Si vous voulez vous inscrire, vous envoyez 1 500 au 720. Vous envoyez 1 500 au 720, puis peut-être qu'on vous tirera pour un des prochains tirages de ce matin. Pas de problème. Allez, 6h32, on prépare les conseils pas chers à 6h40. Ouais. L'horoscope de l'amour juste derrière, on aura aussi le sondage du jour. Et puis le son pour se réveiller, Rihanna arrive avec Calvin Harris. Jules sera là aussi, les 21 Pilots et les infos avec Rémi tout de suite, comme promis. Le point sur l'actu de ce lundi avec toi Rémi à 6h33. Et encore un temps idéal, estival même en ce début de semaine. L'été ne semble pas vouloir nous quitter, c'est une bonne nouvelle. Quelques nuages tout de même en Bretagne et sur le Nord, mais vraiment rien de bien méchant. Il va falloir regarder du côté du mercure aujourd'hui, des thermomètres, c'est là que ça va vraiment être intéressant. Il va faire encore très chaud dès 8h ce matin, entre 17 et 23 degrés, de 25 à 32 cet après-midi des Pays de la Loire jusqu'aux frontières avec la Belgique, 30 degrés en moyenne partout ailleurs, et avec un pic de chaleur encore une fois dans, au sud de la Garonne, là où ça va grimper jusqu'à 37. Et puis la pollution, c'est pas terrible, les indices compris entre 4 et 6, 5 à Paris, 6 à Bordeaux, Marseille, Lyon, Reims et Metz. Allez sur Skyrock, l'actu et le sport tout de suite. Un ado radicalisé de 15 ans interpellé ce week-end à Paris, il comptait passer à l'acte rapidement et mourir en martyr. Le garçon était assigné à résidence suite aux attentats du 13 novembre. Il voulait attaquer le plus de monde possible avec une arme blanche, un couteau. L'adolescent est toujours entendu ce matin par les enquêteurs de la DGSI. Il était en lien avec Rachid Kassim, un Français en charge de la propagande chez Daesh entre l'Irak et la Syrie. C'est lui qui aurait commandité les trois femmes interpellées la semaine dernière. L'appel de La Rochelle lancé ce week-end par les frondeurs du PS après la fête de l'UMA à la Courneuve. C'est au bord de l'océan qu'ils se sont réunis dans une sorte d'université d'été. Benoît Hamon a milité une nouvelle fois pour une grande primaire de la gauche avec les écologistes. Pas sûr que l'aile gauche du PS soit entendue cette fois-ci. Un appel similaire avait été fait il y a 9 mois. Communistes, écolos et Jean-Luc Mélenchon avaient refusé en bloc. Pas question pour eux de concourir face à François Hollande, au risque de devoir le soutenir s'il devait remporter la présidentielle. Deux morts dans le crash d'un ULM hier non loin de Salo dans le Calvados. L'appareil s'est écrasé dans un champ. Les raisons de l'accident ne sont pas encore connues. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place et n'ont plus que constater le décès des victimes. Stop à la saleté à Paris. Les jours des papiers ou des mégots par terre sont comptés. La mairie met en place dès aujourd'hui sa brigade de lutte contre les incivilités. 320 agents à terme se baladeront dans la capitale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous êtes pris en flagrant délit de gêne mégot par exemple, eh bien vous serez directement verbalisé. L'amende sera de 68 €. Un malaise qui tombe très mal. Hillary Clinton s'est écroulée hier à New York en pleine cérémonie des attentats du 11 septembre il y a 15 ans. La candidate démocrate a été évacuée et est partie se reposer chez sa fille. Le diagnostic est tombé un peu plus tard. L'ex-secrétaire d'État souffre d'une pneumonie et doit annuler tout son programme à l'agenda d'aujourd'hui et de demain. Ça faisait un petit bout de temps qu'elle toussait beaucoup. Du coup, bah, certains y voient un manque de transparence à 2 mois de la présidentielle. On va parler sport maintenant sur Skyrock avec la fin de la 4e journée de Ligue 1 et un petit peu de rugby juste derrière. Ouais, derby méditerranéen entre Nice et Marseille et ça a tourné à l'avantage des Aiglons. Score final 3-1 et un doublé signé Super Mario Balotelli pour sa première titularisation qui fait un petit peu donc taire les critiques. Rennes s'est imposé 2-0 face à Caen et défaite 3-0 de Nantes contre Metz. Au classement, Monaco et Nice se partagent la première place devant Metz et Bordeaux. Paris qui a concédé le nul un partout vendredi au Parc des Princes contre Saint-Etienne n'est que 7e. Et puis du rugby avec la 4e journée du top 14. Grenoble s'impose 36-23 contre Brive. Toulon a dominé Toulouse 32-15 et s'adjuge par la même occasion le point de bonus offensif. Au classement dans l'ordre, La Rochelle, Clermont et le Stade Français. Merci Rémi pour les infos. Premier sur le rugby, premier sur le foot et les prochaines infos dans moins d'une demi-heure à 7h tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est 6h36 sur Skyrock. Check, check. Dès 6h. C'est le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les coloris à la radio. Ça. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et ta lampe gars, ripé Rémi, c'est pour voir si on est bien réveillé. Il y a eu 3-2 pour le match. 3-2. Oui. Ah, j'ai oublié de combien. T'as dit 3. Ah bah voilà. Mais c'est, pas deux, ouais. Mais c'est la drogue. Erreur. Mais on tolère aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rémi, donc il s'est drogué avant le morning. Ah bah très bien. Bon, okay, c'est toléré. Il risque de dire 2-3 conneries, mais vous êtes là pour le corriger. Merci pour vos messages. Je vois que vous êtes bien réveillé, vous, par contre. Hein. Bravo à El Blanco du 92. Salut à toi, El Blanco. Maxime aussi qui a repéré l'erreur de Rémi. Rome du 62. Salut à toi, Rome. Bienvenue à vous tous et merci pour les messages. Vous pouvez nous les envoyer au 41 759. Il y a Rolando aussi qui nous dit arrête de dire de la merde. Merci Rolando, tu as raison de te révolter Rémi. Bravo Rolando. Rolando, bravo. Il est bourré à point d'interrogation. Pas encore, mais non, pas encore, mais on dirait oui. Ouais, on suit un peu l'affaire. Les conseils pas chers arrivent tous les matins. Une bonne idée pour gagner de l'argent ou de la prévention pour ne pas s'en faire voler. Ce matin, on va parler de quoi avec toi, Romano? De cambriolage. Oh là là là là là, l'angoisse pour toi. Ah bah pour tout le monde. Oui. C'est vrai. Je sais pas, en général, t'es pas super content que des gens viennent dépouiller ton appartement. Donc cambriolage ce matin, mais tu vas pas cambrioler un appartement, tu vas pas cambrioler l'appartement du voisin d'à côté là. Non non, je vais prendre des renseignements auprès des familles pour savoir à quel moment elles sont plus là, tout ça pour voir un peu ce qu'elles ont chez elles, non. Faire du repérage. On va faire un petit test, on va voir si les Français sont crédules. Il faut jamais répondre au téléphone, hein, je vous le dis. Hein. Et je vais également vous donner les objets les plus volés quand il y a des cambriolages. Oh, on va savoir ce qui est le plus. Ben l'argent, non? Eh bien non. Ah, c'est pas l'argent. Non non, c'est pas le premier truc qui est volé. On peut dire? Carriole va dire l'alcool, vous allez voir. Carriole, le bar. Non non non, il y a pas le bar. Les bijoux. Les bijoux. Ouais. Les bijoux. Bon bah on va voir dans bien un joué. Instant. Ah c'est ça, c'est les. Ouais bijoux. Ouais ouais. Je vais vous faire la liste, j'ai tout. Bon, les objets les plus volés et on parlera embrouille de couple. Tiens, si vous êtes pris la tête ce week-end par exemple, ou si vous êtes déjà arrivé de vous prendre la tête en couple, on va parler d'embrouille de couple. Ce sera dans le sondage du jour qu'on trouve d'ici un petit quart d'heure sur Skyrock. Bougez pas, mais tout de suite, je vois que tu as l'enveloppe dans tes mains qui tremble, l'émotion. Ah ouais, je n'en peux plus. L'enveloppe avec 1 500 € à l'intérieur. Comme toutes les demi-heures, tous les matins, dans le morning, sur Skyrock, on vous offre 1 500 €. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1 500 €. Bah d'abord, ouverture de l'enveloppe avant la localisation du gagnant. Et attention, localisation. Oui. On va dans le nord de la France. Attention les nordistes. Chez les Lillois. Chez les Lillois. Et c'est Joël. Joël, une femme, hein, 2 LE. Hmm? Joël Marchal. Joël Marchal. Bonne chance à la famille Marchal. Ah, oh, si ça tombe dans le nord. C'est déjà tombé une fois d'ailleurs depuis la rentrée à Lille. Ah. Bravo les Lillois. Ça écoute Skyrock. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à Lille. Ça va être la 5e là. Ça va être. Déjà. C'est déjà c'est la 5e sonnerie. Ouais. Ah, Joël Marchal, ah. Et ça répond pas chez Joël. Bonjour. Et Bonjour. 03. Et ouais, on était chez Joël à Lille. Joël qui a le sommeil profond alors qu'il est déjà parti bosser ou je sais pas, qui était en vacances encore, on sait jamais. Pas là en tout cas. Désolé pour Joël Marchal, elle ne gagnera pas 1 500 €. Pour gagner 1 500 €, c'est simple, il suffit de répondre Skyrock. Écoutez, c'est tombé vendredi, on était chez qui? Ingrid. Chez Ingrid. Tu te rappelles pas Ingrid? Si, je me souviens. Écoutez, Ingrid, il faut nous dire quelle est ta radio préférée. Alors, ma radio préférée, c'est Skyrock. Ingrid, tu viens de gagner ce matin, dis donc. Bravo, Ingrid. 1 500 €, bravo, Ingrid. Bravo. Oui. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Pour vous aussi, 1 500 €. Prochain rendez-vous dans une demi-heure. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at This is what you came for. C'était Rihanna sur le son de Calvin Harris sur Skyrock à 6h43. La France se réveille, nous aussi. Vita et Jul arrive. On va écouter Ça les dérange. Oui. Et on écoutera 21 Pilots aussi avant 7h du matin. Et on va parler embrouilles de couple. C'est bien, vous nous laissez des messages déjà pour les embrouilles de couple. On en reparle dans 5 minutes avec le sondage du jour sur les embrouilles de couple. Que font les femmes, que font les hommes lorsqu'ils se prennent la tête? Vous saurez tout. Mais d'abord, il est là, il gigote, il est content. Ouais. C'est Romano, c'est l'heure des conseils pas chers à 6h43. Rihanna, 245 millions sur son compte en banque. Hello. Romano fera-t-il plus fort? Et les conseils pas chers sur Skyrock. Il va bien que tu sois plus riche que Rihanna. Moi aussi. À toi aussi. Moi aussi, ça me dérange aussi, absolument pas. Non, bah parce que tu en donneras à tes amis, comme je te connais, que tu es très très généreux, Romano. Bah oui, bien sûr. Dis-le pour tous les nouveaux éditeurs de Skyrock que tu es une des personnes les plus généreuses que tu aies rencontrées. Ouais, d'ailleurs, c'est même terrible d'être généreux comme ça. Oh, bah, ah, c'est un truc ça va me perdre. Alors, un petit bilan de ce que t'as fait ce week-end. Combien t'as dépensé ce week-end? Zéro, j'ai invité. Zéro. Bah ouais, parce que j'ai rien dépensé. Puis quand t'as quitté vendredi soir, après la radio libre, t'as dépensé zéro. Non, si j'ai acheté un truc, si j'ai acheté, j'ai payé quoi? Le fromage. Les clopes. Un fromage. Un fromage. Et un fromage et des clopes, c'est quoi? Et ces clopes. Oui, c'est clope parce que j'ai arrêté, moi. Pas c'est les vrai. Tiennes, ouais. Donc. Parce que j'en achète encore. Hein. Pourtant, je ne fume pas. Ah ouais, bravo Romano, tu réussis à l'escroquer à ce point. Elle ne fume plus, mais elle t'achète encore des cigarettes. Ah ouais, bah, c'est ça l'amour. Ah oui. Et l'arnaque. Donc peut-être t'as gaspillé pratiquement 0 euro. Un bon bilan. Pas mal. Ah, pour un week-end qui va pas coûter trop cher. Parfait. Si vous voulez devenir riche, écoutez bien les conseils pas chers tous les jours. Bah par exemple à 6h40, là 6h44. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On va parler cambriolage dans les conseils pas chers. Cambriolage. Oui. Ce matin, je vais aller faire du repérage chez les familles. Ouais. Mais je vais quand même vous donner les objets les plus volés. Bon alors, Karim et Cariole ont donné la bonne réponse. Ce qui est le plus volé, c'est les bijoux, bagues, colliers, bracelets. 54% des cambriolages, il y a ça qui disparaît. Ah ouais. Ouais. Le deuxième truc, c'est le matériel hi-fi, photo, vidéo, télé, iPod, iPad, machin, à 31%. Le matériel informatique, ordinateur, 29%. Ensuite, c'est l'argent, 28%. En fait, ils prennent tout, non? Ouais, ils prennent tout, en fait. Ils laissent les casseroles pour l'instant. Les téléphones à 12%. Ouais. Et il y en a quand même 5% qui volent la nourriture. Ah, ils vont dans le frigo et ils se barrent avec la nourriture. Ouais, c'est ça, ou ils prennent un paquet de bonbons ou un paquet de gâteaux dans le placard, ou un paquet de nouilles. Oui, ils avaient faim. Ouais. Ou des chips. Voilà. Ben, vous avez le classement ce matin, direction les familles. Petit repérage en vue de, éventuellement d'un petit cambriolage. D'une intrusion chez les familles. On va voir si les familles sont crédules et si les familles sont naïves. Il faut jamais répondre à des questions qu'on vous pose. Par exemple, si Romano vous appelle un matin et qu'il vous demande 2-3 trucs. Oui, allô. Sur votre maison, ne répondez pas. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, c'est Alain. Oui. Oui, bonjour, comment tu vas Alain ce matin? C'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis à l'appareil. Dis donc, je voulais savoir, aujourd'hui, vous restez toute la journée chez vous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, pour savoir, pour la sécurité de l'appartement ou de la maison. Parce qu'éventuellement, je serais bienvenu faire un petit tour quand vous seriez pas là. Ah bon? Ouais. Vous avez quoi à la maison? Vous avez des bagues, des bijoux, un peu? Non, mais c'est pour un repérage, c'est pour la sécurité, t'inquiète pas. Hein. Rien de bien méchant. La porte s'ouvre facilement? Oui. Ah bah c'est parfait. Vous partez vers quelle heure ce matin? Bon, allez, à la prochaine. Non, mais réponds, vous partez vers quelle heure? 8-9 heures? On verra ça. Bah moi je passerai entre 10h et midi, moi. Voilà. Tâchez de ne pas être là, hein. Voilà, et quand tu rentreras, j'aurai fait un peu de ménage, il y a trop de trucs dans cette maison. Je vais vous débarrasser de quelques trucs. Eh bien, je passe dans la journée, mon petit Alain. Bisous. Bon, bisous. Écoute, oui. Bisous, bah, tu peux lui faire un bisou. Bah, bisous, bisous. Bisous. Bisous Alain, tout à l'heure. Salut Alain. Alain ne savait pas si c'était du lard ou du cochon. Du lard ou du cochon. Vas-y, j'en veux bien un deuxième. T'en veux un deuxième? Bon, bah attends. Allez. On va chez qui? On va chez Patrick. Patrick, absolument, oui. Absolument, oui. Salut. Alors, on n'attend pas Patrick. Prénom célèbre, Patrick, c'est vrai. Hein. Ah ouais, ouais. T'as le Patrick de Franck Dubos, t'as le Patrick le pervers de la Radio Libre. Absolument, oui. Absolument, oui. Patrick, son tendance ces temps-ci, c'est un peu. Ouais, mais là, le Patrick qu'on appelle, il a pas l'air d'être là, lui. Allô, Patrick? Bonjour, vous êtes bien sur le Patrick répondre. Est une femme! Ah, merde! Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est la femme à Patrick? À Philippe. Ah, c'est la femme à Philippe? Oui, pourquoi? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir à quelle heure aujourd'hui la maison serait vide. Pourquoi faire? Bah, pour venir éventuellement la visiter durant votre absence. D'accord, très bien. À quelle heure, alors? Ça vous amuse? Oui, énormément. Je vais passer dans la matinée, moi, c'est l'idéal. Philippe est là ou pas? Elle commence à déménager. Allô? Oui. Ah. Oui, Philippe? Oui. Oui, je voulais savoir vers quelle heure vous serez pas là dans la journée. Philippe? Vous êtes qui ou? Je m'appelle Jean-Louis. Et je voulais savoir vers quel heure vous vous absentiez, si éventuellement il y avait du matériel à débarrasser dans la maison. Du matériel à débarrasser dans la maison? Ouais, genre des bijoux, du matériel hi-fi, vidéo, du matériel informatique. Ah, d'accord. Donc, vers quelle heure je peux passer? Bah, passer maintenant. Oh, ça te dérange pas que je me serve pendant que vous êtes là? Ouais, exactement. Bah, comme ça, je prendrai le petit déjeuner avec vous après. Eh ben, c'est très gentil, Philippe. Merci. Ah, ben, j'arrive dans 5 minutes. De rien. Attends, si ça peut vous faire plaisir. Voilà. Je suis là dans 5-10 minutes. Super. Eh ben, tout de suite. Merci, mon Philippe. Salut, Philippe. Gros bisous. Ciao, Philippe. Il est sympa. Sympa comme tout. Les gens sont crédules, là. Ne répondez jamais à Romano au téléphone. Bah, attends, non. Philippe, il est super sympa, il m'invite. Bon, voilà pour les cambrioleurs. Je peux le cambrioler alors qu'il est chez lui. Ouais, et tu vas lui voler de la nourriture puisqu'il te paye à bouffer en plus ce matin. Parfait, là. Parfait. Dans une minute sur Skyrock, votre horoscope de l'amour, on va tout découvrir. Les 12 signes, leur puissance amoureuse, c'est en exclu, c'est tous les matins sur Sky. Le vrai horoscope de l'amour et le grand sondage du jour. On va parler embrouille. Tiens, dites-nous la dernière fois que vous vous êtes embrouillé en couple et pourquoi. Vous nous envoyez ça au 41-759. Le sondage du jour, c'est sur les embrouilles en couple. Allez, 6h49 sur Sky. Cette semaine, Planète Rap exceptionnel avec Prozis, leader mondial de la nutrition sportive. Planète Rap. Écoute Planète Rap dès 20h, déchire le freestyle et fais le plein de protéines avec Prozis. Prozis, une gamme nutritive complète pour sportifs de haut niveau. Tous les soirs dans Planète Rap, jusqu'au 5 novembre, utilise le code Skyrock sur Prozis et chope 20% de réduction sur toute la boutique Prozis.fr. Ce temps chez Renault. La French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage. Renault Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Allez, 6h49, c'est l'heure de l'horoscope sur Skyrock. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Oui, alors l'horoscope et les puissances amoureuses de tous les signes. On commence par le zéro du jour, c'est pour les balances et les scorpions aujourd'hui. Attention, si vous êtes célibataire, évitez de draguer quelqu'un qui est déjà en couple. Vous éviterez des problèmes. Et si vous êtes en couple, ne cherchez pas à contrôler votre partenaire. Faites-lui plutôt confiance aujourd'hui, il est incontrôlable ou elle est incontrôlable. 1 sur 5, les gémeaux et les béliers, une personne pourrait chercher à vous énerver. Optez pour l'indifférence et c'est vous qui gagnerez ce combat à la con. Les gémeaux et les béliers, 1 sur 5. 2 sur 5, les versos et les cancers, vous n'avez pas beaucoup de temps aujourd'hui pour vos affaires de cœur. Vous êtes un petit peu pressé, vous laissez un petit peu déborder. Rassurez-vous, vous vous rattraperez dans la semaine. Verseau cancer 2. 3 sur 5, les sagittaires et les taureaux, vous serez zen en ce lundi. Ce qui va attirer les autres, votre zénitude. 4 sur 5, les lions et les vierges, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous avez fait des efforts ces derniers temps, vous n'avez pas fait pour rien. Et pour les meilleurs du jour, les poissons et les capricornes. Mais comme toi, dit Foul. En effet, Romano, en effet. C'est ça, ouais. Le week-end nous a bien reposé. On est complètement d'attaque pour faire des folies de notre corps. Foncez, c'est une journée où tout est possible. Les poissons et les capricornes, on a 5 sur 5. Et après l'amour, les embrouilles. C'est ce dont on va parler dans le sondage du jour. Sondage du jour qui arrive après Vita et Jules sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me dis quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font comme analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange, je sais qui pense sur mon dos. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange, je sais qui pense sur mon dos. On en a rien à foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, font comme analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole, j'ai que ça les dérange. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va d'où on vient? Où on va d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange. Ça les dérange, c'était Jules et Vita, une découverte Skyrock à 6h54. Et 6h54, c'est l'heure où on découvre le sondage du jour. On va parler d'embrouilles de couple. Ouais. Merci de partager avec nous vos embrouilles de couple. De toute façon, ça fait bien d'en parler. Quand on a quelque chose sur le cœur, il faut qu'on se le dise. Vous savez, vous pouvez nous faire confiance. Ouais. On ne répétera ça à personne. Regardez, par exemple, il y a Ivoiriano qui a 20 ans et qui nous dit: moi, ça m'est arrivé de me prendre la tête avec ma copine parce que quand on est ensemble, elle veut toujours que je lui achète un McDo à minuit. À minuit. Un petit creux, bah ouais, ça arrive. Un petit creux, mais bon, si t'es couché, puis que. Réveille-toi, ramène un McDo. Va chercher un McDo, s'il te plaît. Mais tout est possible quand on aime, Romano. Ah bah non, bah c'est pas possible ça. Cariole, demande-lui un McDo tout à l'heure. Quand, il revient de la radio libre à 1h du matin. Des fois j'en ai envie, mais rien, laisse tomber, il lâche rien lui. Non, mais c'est bon, mais t'es couché, tu vas pas te lever exprès, ça va. Ah bah ça, c'est l'amour, man. Ouais, non, mais je suis pas la boniche. Alors, les embrouilles de couple, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est embrouillé? Que font les femmes après une dispute? Que font les hommes après une dispute? C'est le sondage du jour. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Moi, je m'embrouille avec ma femme parce qu'elle dépense tout. C'est toi qui as envoyé ce message, Romano? Ah non, pas du tout. C'est Esther. Non, mais parce que Cariole n'a pas accès à mon argent. Très bien. Je dépense le mien. Et oui, de toute façon, le sien, s'il est le sien, tu n'y as pas accès. Donc non, aucun accès. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se dispute? Bah, on va commencer par vous, les filles. Tiens, honneur aux filles. Numéro 3, que font les femmes après s'être disputées? Bah, elles font la gueule. Non, le ménage. En 3, non. Elles décident de faire la grève du sexe. Ouais. Oui, elles font la grève du sexe pour punir messieurs. Mais vous punissez aussi les filles quand vous faites ça. Bah oui, c'est vrai. Surtout si vous êtes avec moi. C'est clair. Vous vous privez d'un truc de fou. On passe au numéro 2. Elles appellent leur mère ou alors elles appellent une copine pour se confier. Un, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Et l'autre con, il veut pas acheter mon McDo. Ouais, alors qu'il est 1h du matin. Ouais, je voulais un McDo, j'avais un petit creux, il veut même pas me l'acheter. C'est un gros con. C'est gros con. Ça tu fais, Cariole? Oui, tout le temps. Appeler ta mère, une copine, ta soeur. Ouais, ma mère. Ouais, à 33%, c'est ce qu'elles font les filles. Et attention, numéro 1, elle se jette sur de la nourriture et elle prête 20 kilos. Non. Ah, Cariole, elle se jette plus sur le vin. Non. Elle est bourrée. En gros, non, elle se jette sur la nourriture, elle prend pas 20 kilos, mais à 46%, les filles, quand vous vous êtes énervées contre nous, vous allez bouffer. Vous et allez si c'est comme ça, je bois du vin. Vous allez vider le frigo. Oui, Cariole, elle vide la cave aussi. Ça, tiens, il y a Waldo qui nous dit: moi, je fume 19 clopes quand je m'embrouille. Ouais, pour essayer de te calmer, oui. Ouais, Mouloud, il dit: nous, on joue à la console, les mecs. Alors attention, voici justement maintenant ce que font les hommes après la prise de tête. Numéro 3. Il s'endorment sur le canapé. Voilà, tout simplement. Genre, ça leur a cassé les couilles. Ah, vas-y, je vais dormir un peu, moi. Je vais me reposer. Ils s'endorment sur le canapé à 18%. Numéro 2, ils vont voir des potes. Eux aussi, ils se confient à des potes. Temps, ouais. Ils vont voir des potes pour se passer le temps à 32%. Ouais. Numéro 1. Et numéro 1, nous nous murons dans le silence. Voilà. En fait, on dit rien, nous avons cassé la tête, on n'en peut plus. Donc, c'est peut-être juste avant de s'endormir sur le canapé. Ouais, c'est ça, un peu de silence avant. On se mure dans le silence. Et vous connaissez le nombre d'embrouilles, ça c'est un petit chiffre en plus, le petit chiffre bonus du sondage du jour dans le morning, le nombre d'embrouilles d'un couple par an en moyenne. Oh, une dizaine, non? Oh, une centaine. Tiens, je vais lancer un jeu. On va jouer ensemble. Vous nous dites, tu dis une centaine, Cariole. Ouais. Une dizaine, Karim. Romano, une idée? Ah, je dirais embrouille, mais embrouille même un tout petit truc. embrouilles. Toutes les embrouilles. Les embrouilles de couple. Bah, je sais pas, je dirais peut-être 200. 200. Putain, si vous avez la bonne réponse, je vous envoie un maillot de foot, de rugby, de basket, de n'importe quel sport. Vous nous laissez vos messages au 41-759. Quel est le nombre d'embrouilles de couple par an? Allez-y, sachant qu'il y a 365 jours par an. Cherchez plutôt dans ces eaux-là. Allez, vos réponses au 41-759 et sur l'appli Skyrock. On y revient tout de suite après les 21 Pilots. Qu'on vous a préparé, ce sera Ride à 6h58. J'arrive chez McDo. Je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Concert. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. Concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena de Paris le 30 septembre et au nouveau stade Vélodrome Orange de Marseille le 7 octobre 2017. Ouais. Yes, c'est Soprano. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Tous les jours, 10% en avantage carte sur non pas deux, mais trois marques producteurs commerçants. Ce mois-ci, Bouton d'Or, Fiorini et choisi par vous via notre page Facebook, la marque Pâturage. 10% en plus pour mieux récompenser votre fidélité. C'est aussi ça, être producteur commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Bonne journée sur Skyrock et on a la réponse des embrouilles. Elle arrive dans un instant, le temps d'écouter Ride sur Sky. 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. I'm on my ride, taking my time on my ride. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Time on my ride. Sur Sky, on écoutait les 21 Pilots à 7h01 et on a la réponse à notre grand, grande question, une petite question qu'on a posée comme ça. La question, c'est le nombre d'embrouilles de couple par an. Et oui, on parlait des embrouilles de couple. Si vous êtes pris la tête ce week-end, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Mmh. C'est au moins pour vous rassurer. On a Cindy au téléphone en direct de Nantes avec nous. Bonjour Cindy. Cindy. Bonjour Cindy. Elle n'est pas validée, je crois. Si, elle est validée. Ah. Cindy, tu es validée? Bon, je vais vous donner la réponse alors. Bah Cindy, tant pis. Cindy, tant pis. on va la rappeler. Non, Romano, c'est pas toi qui partiras avec le maillot de foot, de rugby, de basket. Bah moi j'ai dit plus de 200 moi. Bah ouais, mais t'avais raison, mais il me fallait une réponse un petit peu plus précise, je peux pas t'offrir de cadeau. Hein. Le nombre de disputes par an d'un couple en moyenne est de 312. 312 disputes par an. Bah c'est quasiment par jour quoi. Bah pratiquement. À peu de choses près. Donc si vous êtes pas embrouillé aujourd'hui, sachez que vous embrouillerez demain. Hein. Ah oui, dans les jours qui arrivent, c'est sans problème. Je dis ça pour tous les couples pour tous les couples qui nous écoutent là. Bon, on a fait le sondage du jour sur les couples. On a plein d'autres choses à faire d'ici 8h, même d'ici 7h30. Restez bien dans le coin, on aura votre iPhone 7 à gagner. C'est tout à l'heure, c'est pour vous. On jouera à Info ou Mytho. Et on jouera également à Info Mytho. Et on jouera avec les familles de France. On a le réveil de star. Et Cindy est là, ça y est, elle est revenue. Je vois que ça gigote du côté salut, du standard. Cindy. Salut Cindy. Oui, bonjour. Oh. Alors, vous vouliez plus de moi en fait, c'est bah, ça. Je sais pas ce qu'ils ont fait au standard, mais ils t'avaient perdu dans les tuyaux du standard, dis donc. Mais c'est bah bon, oui. T'as retrouvé, t'arrives un peu tard, donc du coup, pas de cadeau. Eh, dommage. Oh, bon, t'avais trouvé la bonne réponse. Bravo. Oui. Tu t'embrouilles souvent, toi, quand t'es en couple? Ben, je suis en phase de séparation, là, donc on va dire que oui. Donc, c'est les embrouilles. Ah, ouais. Effectivement, oui. Donc, tu t'es un peu embrouillé, oui. Un petit peu, ouais. Mais bon, ça va bien se passer. Et bien, écoute, tu vas pouvoir te consoler avec le maillot de foot, de rugby, de basket, de ce que tu veux. On t'envoie ça à la maison. Tu veux quoi? Un maillot de l'OM surtout. Un maillot de l'OM. Ah. L'OM qui a encore perdu hier. Oh là là, bon, bravo l'OM. On va y aller tranquillement. Oui, ça y va tranquille. Bah on te fait un bisou Cindy. Bisous oui, la Nantaise. Merci, bisous à toute l'équipe. Salut Cindy. Salut, salut. Ciao Cindy. Il est 7h03 sur Skyrock. Allez vite, les infos tout de suite. On va tout savoir. L'actu, le sport et la météo. Une journée chaude. Encore. Oh oui, une journée chaude, une journée estivale, idéale même. On a quelques nuages en Bretagne et sur le nord, mais rien de bien méchant. Les températures qui sont agréable à voir aujourd'hui, dès 8h ce matin entre 17 et 23 degrés, donc déjà très bon. De 25 à 32 cet après-midi des Pays de la Loire jusqu'aux frontières avec la Belgique. 30 degrés en moyenne partout ailleurs et puis ça va grimper en flèche dans le sud, au sud de la Garonne pour être précis, jusqu'à 37 degrés. La pollution pas terrible par contre, les indices compris entre 4 et 6, 5 à Paris, 6 à Bordeaux, Marseille, Lyon, Reims et Metz. Et le point sur l'actu sur Skyrock avant de retrouver les 1 500 €, on va vous offrir de l'argent et Drake aussi avec One Dance. Une réunion pour sauver Alstom ce matin, elle est prévue à l'Elysée à 8h30 avec le président Manuel Valls et les ministres concernés. Le chef du gouvernement estime que les pratiques d'Alstom sont inacceptables. Le groupe a annoncé l'arrêt de son site de production à Belfort. Du coup, les 400 salariés et leurs familles devront quitter la région pour travailler en Alsace sur un autre site. Le gouvernement cherche une solution dans ce dossier qui fait tache à quelques mois de la présidentielle. Il y avait déjà eu une opération de sauvetage en 2004 sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. Les salariés ont prévu de manifester ce jeudi. Une vidéo qui fait couler beaucoup d'encre, elle tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. On y voit un jeune homme d'origine africaine ou antillaise se faire maîtriser très violemment par la police ferroviaire. La séquence a été filmée en gare d'Hermont-Aubonne dans le Val d'Oise. L'un des policiers lui maintient le bras tandis qu'un autre le prend à la gorge dans le creux de son coude. De nombreux internautes parlent de racisme et font un parallèle avec l'affaire Adama Traoré. La SNCF de son côté se défend et affirme que l'individu a attaqué les agents qui voulaient le contrôler. Une soirée qui se termina mal à Paris. Un groupe de plusieurs personnes s'est rendu dans les catacombes pour y faire une petite fête ce week-end. L'endroit est strictement interdit au public, hors des horaires d'ouverture. L'un des visiteurs clandestins a été pris d'un malaise cardiaque. Les secours ont tenté de le ranimer mais n'y sont pas parvenus. Une enquête a été ouverte mais personne n'a été placé en garde à vue. Un drame dans un petit village des Ardennes. Une mère de famille et ses deux enfants de 2 et 7 ans retrouvés morts chez eux. Les corps ont été retrouvés dans la salle de bain. C'est le père qui a donné l'alerte. Aucune piste pour l'instant. Une enquête a été ouverte par le parquet de Reims. On va parler Ligue 1 maintenant. C'est le foot et aussi le tour d'Europe des stades. C'est encore du foot. Ouais, fin de la quatrième journée. Derby méditerranéen entre Nice et Marseille, c'était attendu et ça a tourné à l'avantage des Aiglons. Score final 3-2 et un doublé signé Balotelli pour sa première titularisation dont un but sur penalty. Rennes s'est imposé 2-0 face à Caen et défaite 3-0 de Nantes contre Metz. Au classement, Monaco et Nice se partagent la première place devant Metz et Bordeaux. Paris n'est que 7e après avoir été tenu en échec par Saint-Étienne au Parc des Princes vendredi, un but partout. Le tour d'Europe des stades avec les principaux scores de ce week-end. Manchester City a dominé United malgré un but de Zlatan 2-1. Même score en faveur d'Arsenal contre Southampton avec une réalisation de Koscielny. Match nul, 2-2 entre Swansea et Chelsea. Au classement, Manchester City est en tête devant Chelsea et United. En Espagne, l'Atlético Madrid a collé un 4-0 à Celta Vigo avec un doublé signé à Griezmann. Le Real s'impose 5-2 contre Osasuna et le Barça s'incline 2-1 face à Alaves. La Maison Blanche qui domine le classement pour l'instant devant Séville et le Sporting Gironde. En Allemagne, le Bayer Leverkusen a été plus fort que Hambourg, 3-1. Mais le Bayern domine toujours les débats devant Berlin et la Cologne. Enfin, en Italie, l'AC Milan a été tenu en échec 1-0 contre Udinese. Un but partout entre Chievo Vérone et la Lazio. L'Inter a eu raison de Pescara 2-1. Victoire de la Juve samedi soir 3-1 face à Sassuolo. Les Turinois qui sont en tête du classement devant la AS Roma et Naples. Eh bien, merci Rémi pour les infos et le tour d'Europe des stades. Comme tous les lundis, il est 7h07 sur Skyrock. Le Morning de Difool, 3 heures de déconne. En direct tous les matins sur Skyrock. The Morning Show. Et oui, on redémarre la semaine ensemble. Content d'être avec vous en ce lundi. J'espère que vous allez bien. On a offert déjà plein de cadeaux, notamment l'iPhone 7. Un autre iPhone 7 à gagner, ce sera dans 10 minutes, un quart d'heure, là, sur Skyrock. Ouais. On joue ensemble à Info ou Mytho. Préparez-vous, on va faire un petit tour des nouvelles du monde. Il y en a toujours de très intéressantes, surtout le lundi. Ah, magnifique. Bon, on s'occupe de tout ça, et puis on a un invité à retrouver dans un instant. C'est le réveil de Star. Je m'appelle Jean-Luc, moi. Bonjour Jean-Luc, moi c'est Difool, tu es Jean-Luc Reichmann, c'est ça? De TF1, oui, des 12 coups de midi. C'est ça. C'est Jean-Luc Reichmann. De TF1, des 12 coups de midi, on a bien reconnu. C'est lui qui va réveiller les familles de France. C'est un des jeux les plus regardés en France. Ouais, c'est vrai, ça cartonne. Ouais, ouais, ouais. 35% de part d'audience, il fait. Oh, c'est énorme. C'est-à-dire que quand il y a une télé, allumée, il y en a deux autres allumées sur une autre chaîne, mais il y a une télé sur trois qui est allumée sur TF1 à midi. Bravo Jean-Luc. Et qui regarde Jean-Luc. Bravo Jean-Luc, tu es très fort. Hein. Effectivement. Effectivement, bien sûr. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression que c'est plusieurs animateurs à la fois parce qu'il a plein de voix différentes. Ah, plein, plein. Il est fort, hein, ce Jean-Luc Reichmann. Hein. Excuse-moi, est-ce que tu peux me dire comment se fait un bisou et plus si affinité? Pas très intelligent parce qu'un bisou se fait avec la bouche, mais je pense que tout le monde le sait, non? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Bon, Jean-Luc Reichmann pour réveiller les familles de France, mais avant ça, 1 500 € à gagner. C'est l'heure de vous offrir de l'argent comme chaque demi-heure sur Skyrock. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est gagné. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock, c'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et voilà, j'ai ouvert l'enveloppe et on va voir si je porte chance ce matin. À qui d'ailleurs? On va voir où est-ce qu'on va aller. On va en Île-de-France, on va en région parisienne ce matin. Dans le 94, vous nous écoutez dans le 94. Vous allez peut-être gagner 1 500 €. On va à Créteil et on a tiré la famille Perrin, Ophélie Perrin pour les 1 500 €. Allô? Allô, allô? Allô? Bonjour madame Perrin. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est la radio. Tu es Ophélie toi, c'est ça? Je suis Ophélie. Tu es Ophélie. Ben nous, c'est la radio toujours. Et on t'appelle parce qu'on t'a tiré au sort et surtout pour t'offrir 1 500 €, Ophélie. Oui, bonjour Skyrock. Bonjour Ophélie. Bon, ben je vais quand même te poser la question pour faire les choses bien. On fait les choses bien. La question officielle, la voici. Quelle est ta radio préférée, Ophélie? Ma radio préférée est Skyrock. Et tu gagnes 1 500 €, Ophélie. Ouais, ouais. Bravo. Bravo. 1 500 € en direct. Super. Eh, super, t'as vu ça un peu? En direct à Créteil, Ophélie. C'est ça. Tu fais quoi dans la vie, Ophélie? Alors, je suis agent hospitalier. Très bien, bien utile l'agent hospitalier. Tu n'as pas vu passer un gars qui avait des problèmes de clavicule après être tombé en moto? T'as pas des nouvelles de Cédric par hasard? Ah non, je ne suis pas vétérinaire. Ah oui, tu n'es pas vétérinaire. Non, moi je suis dans un hôpital psychiatrique. Ah bah tu vas peut-être pouvoir bientôt le voir, on sait jamais. Il n'y a pas de problème. Hein. Cédric, c'est quand tu veux, tu viens à Saint-Maurice. On lui dit là, il nous écoute dans son lit, Cédric avec sa clavicule cassée. Là. Ah, imaginez la sensualité. Ah ouais, elle est au max là. Comme c'est excitant. Bravo en tout cas Ophélie, très excitant de gagner 1 500 € le matin sur Sky. Bien joué. Ah c'est sûr, ça fait du bien. Ouais. Tu t'es inscrit ou on t'a tiré dans l'annuaire toi? Non, je me suis inscrit hier matin. Ah ouais, donc vous vous inscrivez aujourd'hui, on vous appellera peut-être demain, c'est bien. 7-20-20, vous envoyez 1 500 au 7-20-20. Ouais. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, bah t'as bien fait Ophélie, bravo à toi. Bien joué. Tu t'es inscrit hier matin, super. Tu gagnes 1 500 €. Franchement, c'est génial. Tu vas faire quoi avec tes 1 500 €? Oh, je sais pas encore. Oh, tu vas trouver, je pense. Oui, je pense. Oh, oui, je m'inquiète pas pour ça. Facile. On te fait un gros bisou, Ophélie. Raccroche pas. On vérifie tes coordonnées. Puis le chèque, il arrive, je pense, dans la semaine. Hein. Très vite. Super. Merci beaucoup. Bisous, à tous. Bisous. Ciao. Bisous, Ophélie. Vous aussi, restez bien dans le coin parce que toutes les demi-heures, il y a 1 500 € à gagner. On recommence dans une demi-heure sur Skyrock. Il est déjà 7h11. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance, une découverte Skyrock, encore une. C'était Drake, le grand Drake, à 7h14. Et ben voilà, on a offert 1 500 € déjà. Et c'est pas fini, hein. Bravo Ophélie, on lui fait un gros bisou. T'es charmante cette Ophélie, hein. Ouais. Fait plaisir de voir que vous êtes charmantes les filles comme ça le matin. Eh ouais. Quand vous réveillez avec nous, surtout quand vous gagnez 1 500 €. Hein. 1 500 € à gagner. Préparez-vous, le prochain rendez-vous, elle est dans 20 minutes. Avant ça, bah, c'est l'heure du réveil de stars et c'est Jean-Luc Reichmann qui s'y colle ce matin. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Qu'est-ce qu'il sait, qu'elle dit la famille? Eh ben, qu'est-ce qu'il sait? C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Mais oui, c'est Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann. Ah, ouais, on est bien là. Ça va être énorme. C'est énorme. C'est énorme. Jean-Luc Reichmann va réveiller les familles de France et ça, ça va être de la folie. Bah, ça va être énorme. On va voir Jean-Luc si t'assures au téléphone. Hein. J'espère qu'il va assurer comme un ouf. Hein. Ça veut dire que t'as pas assuré la première fois, alors. Ah, Romano, t'as pas assuré la première fois, toi? Ah non, pas du tout. Non. Non, c'est vrai. Non, c'était pas le meilleur. Bon, allez, on y va pour Jean-Luc Reichmann. Le présentateur des 12 coups de midi sur TF1 qui réveille un Christian ce matin. Allez, vas-y Christian. Allez, un nouveau Christian qui se fait réveiller à 7h15. Le réveil de star. Ils en ont de la chance, les familles. Allô, ah. Allô. Oui, oui. Christian. Non. Effectivement. C'est qui qu'on merde le monde sans arrêt là? C'est Jean-Luc. Qu'est-ce que vous voulez? Christian. Il est pas là, il est parti. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Ça fait 100 ans. Vous vivez ensemble? Non. On va parler de votre libido. Ça vous regarde pas, ça. Puis moi, j'en ai rien à foutre de vos conneries. Vous, la dernière fois, c'était... Ouais, bah, tu vas te faire foutre, connard. Ça veut dire que t'as pas assuré la première fois, là. Va te faire foutre, pauvre con. Pourquoi? Parce que t'es le connard du coin, c'est tout. Tu dis ton nom? Je m'appelle Jean-Luc, moi. Jean-Luc. C'est bien, Jean-Luc. C'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Ouais. Bon, alors, tu vas te faire foutre. Prochain appel, c'est direct Gendarmerie Nationale. C'est clair? Attendez, doucement. Non, je t'écoute pas, pauvre con. Et évite de me rappeler, s'il te plaît. Parce que tu risques d'avoir de sérieux problèmes, pauvre con. Quel âge a votre zizi? Si tu as des couilles, tu viens me voir, pauvre con. Vous nous faites voir votre zizi? Ah bah, tu viens dans 2 secondes, pauvre type. Je t'attends. C'est vrai? Je t'attends dans 2 secondes. Y a une bonne ambiance? Ah bah allez, ouais. Dégage, connard! Il est content, Jean-Luc! Ouais, ben c'est bien, bravo Jean-Luc! Ah ouais, bravo! Ouais. Jean-Luc, il y a un petit surnom, vous l'avez entendu? C'est vrai? Bah oui, c'est vrai, Jean-Luc. Ouais. C'est pauvre con. Pauvre con ou connard? Ouais. Connard. Ou connard. L'autre lui l'a dit au moins 20 fois pendant le coup de fil, pas mal. Connard! Hein. Pas mal. Alors il va appeler la Gendarmerie Nationale. Ah, c'est ça, connard! Je crois que c'était la police. Ah, pauvre con! Gendarmerie Nationale. Et Jean-Luc va aller montrer son zizi. Eh ben voilà, parfait! Malgré tout, tout se termine bien, oui. Bien entendu, hein, c'est... bien jusqu'au bout. Tout est bien qui finit bien. Merci ouais. Jean-Luc, tu es le bienvenu ici à Skyrock, tu peux revenir quand tu veux. Il est content. Ce qui est bien, c'est qu'il est toujours content. Ah oui. Merci Jean-Luc Reichmann, réveil de star tous les matins, c'est sur Skyrock, il est 7h17. On va bien rigoler dans un instant. Ah ouais. Avec nous, bah, le grand rendez-vous d'info au mytho et l'iPhone 7 à gagner. petite nouvelle que je vous donne dans un instant. À vous de me dire si c'est un mytho ou si c'est vrai. C'est juste après Rihanna. Ah, un petit Rihanna pour se faire plaisir. Un petit souvenir en plus de Rihanna, un classique. On écoute Only Girl, c'est sur Skyrock dans le morning. Pile 7h20 et à 7h20 on va jouer tout de suite à Info ou Mytho. C'est l'heure de faire un petit tour des infos du monde. On aura nos deux grands journalistes qui sont en train de se préparer, nos deux grands reporters internationaux, Cariole et Romano, qui ont des trucs à vous raconter. Mais d'abord, la question de sélection, car si vous voulez gagner votre iPhone 7, il faut passer par la question de sélection et ça, c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Info ou Mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. À toi de détecter le Mytho. Alors, ça sera à toi de détecter le Mytho dans un instant, mais là, est-ce que c'est vrai ce que je vous raconte? On va parler de l'iPhone. L'iPhone qui a posé des problèmes à Matthew. Matthew, c'est un Américain qui a eu l'iPhone 7 en exclusivité mondiale. Waouh. Et il a utilisé son iPhone 7, tranquille. Il le met dans la poche une fois qu'il l'a utilisé, la poche de devant. Et à ce moment-là, l'iPhone s'est mis à chauffer et lui a grillé les coucougnettes. Ah bah si c'est vrai, c'est de la bonne qualité le nouveau. Il lui a grillé les coucougnettes, c'est des couilles grillées que ça lui a fait. Ouais, il l'avait mis bien dans sa poche, le truc s'est mis à chauffer. Il s'est dit putain mais ça commence à sentir le cochon grillé, dis donc. Ça commence à sentir la couille. Oh mais ça chauffe. Couilles brûlées au troisième degré à cause de l'iPhone 7. Ça donne envie de l'acheter. Est-ce que c'est une info? C'est ce qu'on va vous offrir en plus. Est-ce que c'est une info ou un mytho? La petite info que je vous donne sur l'iPhone 7 qui brûlerait les coucouillettes qu'on en mettrait dans la poche de devant. Ouais. Si vous avez une petite idée, car vous pensez que c'est une info, vous envoyez info 41759 ou sur l'appli Skyrock. Même chose si vous pensez que c'est un mytho, sauf que vous envoyez mytho. Ouais. Et dans les deux cas, vous n'oubliez pas de nous envoyer votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle derrière. Je donne le top officiel. Vous envoyez info ou mytho. Je vous en dis plus dans un instant sur les coucouilles de Matthew. Oui, le pauvre Américain qui a testé en exclusivité, content de l'exclure. Hein. La couille brûlée, vrai ou faux, info ou mytho. Et votre iPhone a gagné sur Skyrock, bonne chance à vous. Il est 7h21 sur Sky. Cette semaine, Planète Rap exceptionnel avec Prozis, leader mondial de la nutrition sportive. Planète Rap. Écoute Planète Rap dès 20h, déchire le freestyle et fais le plein de protéines avec Prozis. Prozis, une gamme nutritive complète pour sportifs de haut niveau. Planète Rap. Tous les soirs dans Planète Rap, jusqu'au 5 novembre, utilise le code Skyrock sur Prozis et chope 20% de réduction sur toute la boutique Prozis.fr.

Info ou mytho. Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Alors, je me retourne vers Romano. Ouh, mais tu as une tête de mytho ce matin. Non, mais attends, pourquoi? Non, vas-y, donne ton info. Bon, moi, ça s'est passé vendredi vers 14h du côté de Longwy, à côté de Dijon. C'est une petite ville collée à Dijon, la banlieue dijonnaise. Très bon, Bourgogne. À Bourguignon. Oui. Alors, a créé un bouchon en plein centre-ville, parce qu'en fait, le mec, il s'est endormi au volant. À quelle heure? À 14h. Ah ouais. Le mec s'est endormi au volant au milieu d'un espèce de carrefour. Et le problème, c'est qu'il s'est endormi. Pourquoi? Parce qu'il avait 2,44 grammes d'alcool dans le sang. À 14h. Je ne t'explique pas le soir combien il a dû avoir, lui. Bon, les flics sont venus le chercher. Il fera l'objet de poursuites judiciaires, comme on dit dans le milieu de la police. Info ou mytho? Donc, le bouffon, okay. À 14h, complètement bourré. Ouh, mais toi aussi, tu as une tête de mytho, car Méfie-toi, Maxime. Moi, ça se passe en Australie. C'est un mec qui n'a pas dormi depuis la semaine dernière parce que son café, il était trop fort. Pendant combien de jours? Bah, depuis la semaine dernière, 7 jours. Ah oui, quand même. Il a bu un café trop fort. Oui, c'est ça. Donc, il ne dort pas. Il ne dort pas depuis une semaine. C'est ça. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, Maxime? Le café de Carriole ou alors le bouchon de Romano? Je dirais Romano Info et Carriole Mytho. Eh bien, j'aurais dit comme toi, est-ce que j'aurais gagné l'iPhone 7 si j'avais joué sur Sky, moi? Eh ben oui, t'aurais gagné. Mais là, c'est, sur le coup, c'est pas toi qui gagne, c'est Maxime. Eh ben bravo Maxime, bien joué. Bravo. Bip, bip. Bonne réponse, oh, Maxime. Je crois pas. Eh ben si, c'est vrai. Si. Allez, t'as bien eu raison de pas croire en Carriole. Donc le mec n'a pas passé une semaine sans être... Sans dormir. C'est un bar australien qui a fait un café 80 fois plus fort, en fait, que les autres et qui peut te tenir éveillé 18 heures. Voilà, ou te faire un arrêt cardiaque. Oui, c'est... T'as deux solutions. C'est au choix. Tu le bois ou t'es réveillé 18h ou alors tu meurs tout de suite. Au choix. Bravo Maxime. Donc le Bourguignon, c'était vrai. Tu viens de gagner ton iPhone 7, Maxime, ce matin. Bravo. Ouais, bien joué. Merci l'équipe. Eh, t'imagines, il va arriver très vite. Dès qu'il sort, on t'envoie l'iPhone 7, Maxime. Ok. Bravo à toi. Ah bah bravo, bonne journée. Tu vas au Bahut ce matin? Tu vas où? Ouais, au Bahut, là, je suis en première. Tu vas pouvoir te la péter, là. Tu vas dire, oh, putain, j'ai gagné l'iPhone 7 sur Skyrock. Ouais, ça va, la semaine commence bien. Bien joué. Bah, vous aussi, venez jouer avec nous. Prochain rendez-vous avec l'iPhone 7, c'est à 8h20 tout à l'heure. Et je vous l'annonce, on jouera avec un super invité mystère qui a un rapport avec toi, Maxime, mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Je vous donne un indice pour l'invité mystère de 8h20 tout à l'heure. Restez bien là. Bise, Maxime, bonne journée à toi. Bonne journée. Ciao. Bonne journée avec Skyrock et bonne chance pour les 1 500 €. Juste après Ken Jones, il y a les infos et juste après les infos, il y a le petit coup de fil pour les 1 500 €. Encore un chèque à gagner sur Sky. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, c'est nous. Oh là là, et c'est Ken Jones tout de suite sur Sky. Découverte Skyrock, Don't Mind à 7h29. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. Ken Jones sur Skyrock, le son de Sky pour se réveiller le matin avec dans un instant Soprano. On va écouter En Feu. On écoutera également Mike Posner, du Justin Timberlake tout à l'heure. Et bien tout de suite, les infos de Rémi. Il a plein de choses à nous dire, on va être au courant de tout ce qui s'est passé. Et puis dans un instant, on vous offre 1 500 euros. Et Romano, je vois que tu commences à t'exciter. Les conseils pas chers approchent. Ouais, les conseils pas chers approchent. Et on va parler tâches ménagères, un truc bien relou. Ah oui, ça c'est bien relou, ouais. Ah ouais, parce que quand il faut les faire, oui. Ou les faire faire. Aussi. Bon, dans un instant, on s'en occupe. Comment gagner de l'argent grâce aux tâches ménagères? C'est dans vos conseils pas chers. On aura aussi le loser du jour à découvrir, comme tous les matins, dans l'entour de 8h moins 10, 8h moins 5 tout à l'heure. Avant notre loser du jour, voici le winner de l'info. Avec une météo qui win aujourd'hui. Et bon anniversaire, Rémi, encore. Beau. Et oui, c'est merci. Son anniversaire, Rémi. Eh ouais. Bon anniversaire. Merci. Et c'est con parce que tu me l'aurais dit, je t'aurais acheté un cadeau. Ah ouais, bon. Ouais, ah ouais, on aurait dû prévoir un truc. Bah oui. Je suis discret. C'est pas le mytho. On aurait prévu un truc, quoi. Bien sûr. Il m'aurait ramené une feuille. Pour écrire la météo. La météo du jour, il va faire beau aujourd'hui. Ouais, à peu près partout. Ouais. Là, c'est clair, un temps idéal, estival en ce début de semaine. L'été ne semble pas vouloir nous quitter. On va pas s'en plaindre. Quelques nuages en Bretagne et sur le nord. Mais rien de bien méchant. En revanche, il va faire très chaud encore aujourd'hui. Là, dès 8h, une petite demi-heure, il fera entre 17 et 23 degrés partout, de 25 à 32 cet après-midi, des Pays de la Loire jusqu'aux frontières avec la Belgique. 30 degrés en moyenne partout, avec un pic de chaleur au sud de la Garonne, où ça grimpera jusqu'à 37. La pollution, pas terrible. Les indices compris entre 4 et 6, 5 à Paris, 6 à Bordeaux, Marseille, Lyon, Reims et Metz. Et le poids sur l'actu sur Skyrock, l'actu et le sport. Hillary Clinton en arrêt maladie, repos total pendant quelques jours pour la peut-être future présidente des États-Unis. Elle a fait un malaise hier à New York en pleine cérémonie des attentats du 11 septembre. Le diagnostic est tombé un peu plus tard. L'ex-secrétaire d'État souffre d'une pneumonie et doit annuler tout son programme au moins aujourd'hui et demain. Cela faisait un petit bout de temps qu'elle toussait beaucoup là, notamment sur les meetings. Certains y voient déjà un manque de transparence à 2 mois de la présidentielle. Stop à la saleté à Paris, c'est à lire dans le Parisien ce matin. Les jours des papiers et des mégots par terre sont comptés. La mairie met en place dès aujourd'hui sa brigade de lutte contre les incivilités. 320 agents à terme se baladent dans la capitale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous êtes pris en flagrant délit de gêne mégot, eh bien vous serez directement verbalisé. L'amende sera de 68 euros. Un ado radicalisé de 15 ans interpellé ce week-end à Paris. Il comptait passer à l'acte rapidement et mourir en martyr. Le garçon était assigné à résidence suite aux attentats du 13 novembre. Il voulait attaquer le plus de monde possible avec un couteau. L'adolescent est toujours entendu ce matin par les enquêteurs de la DGSI à Levallois-Perret. Il était en lien avec Rachid Kassim, un Français en charge de la propagande chez Daesh entre l'Irak et la Syrie. C'est lui qui aurait commandité les derniers attentats, notamment les 3 femmes interpellées la semaine dernière. La mort d'un joueur de foot en plein match hier en Corse. Le joueur amateur disputait une rencontre dans le cadre de la Coupe de France. Il a succombé à une crise cardiaque et n'avait que 34 ans. Et on va parler foot maintenant avec la Ligue 1, la Ligue 2 et aussi une petite balle, la petite balle de tennis, ouais. Puisque l'US Open est fini. Exact, fin de la 4e journée de Ligue 1, derby méditerranéen entre Nice et Marseille et ça a tourné à l'avantage des Niçois. Score final 3-2 et avec un doublé signé Balotelli pour sa première titularisation chez les Aiglons. Rennes s'est imposé 2-0 face à Caen et défaite 3-0 de Nantes contre Metz. Au classement, Monaco et Nice se partagent la première place devant Metz et Bordeaux. Paris n'est que 7e. À suivre ce soir l'épilogue de la 6e journée de Ligue 2. 3 se déplacent sur la pelouse de Strasbourg. Coup d'envoi à 20h30. Et puis la joie de Stan Wawrinka à New York. Le Suisse a remporté l'US Open face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Victoire en 4-7, 6-7, 6-4, 7-5, 6-3. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 7h. Il est à 8h, puisqu'il est 7h35 yep. Sur Sky. En direct de l'appart. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. The morning show. Et oui, toute l'équipe qui vous salue, merci. On est une belle équipe, vous, nous, tous ensemble, tous les matins sur Skyrock dans le morning. Ouais. Je dis toute l'équipe vous salue, même Cédric vous salue. Cédric qui est dans son lit actuellement avec ses clavicules cassées. Bon courage. Imaginez un peu les dégâts et je dis d'ailleurs bon courage à tout l'immeuble de Cédric, à tout le quartier de Cédric, puisqu'il s'est pas lavé depuis jeudi. Voilà. À cause de sa clavicule cassée, il a tellement mal qu'il n'arrive pas à se laver. Imaginez l'état. Vous savez qu'il a mis un pot en bas de son lit pour faire caca tellement il n'arrive pas à se déplacer. Oh. Non mais c'est vrai. La classe. Ah, il m'a montré son pot hier. Je fais regarde. Je fais non merci Cédric, c'est très gentil. Voilà, j'ai un beau pot. Donc on a tous une pensée pour Cédric. Cédric et sa clavicule cassée. Bah voilà quand on sait pas faire du vélo ce qui arrive. Hein. Et son pot. Et son pot. Bon sinon l'équipe est là. Carriole, Sam des réseaux sociaux aussi. Bon Rémi, vous l'avez entendu pour les infos. Karim du soir qui est venu nous rendre une petite visite pour nous filer un petit coup de main. Et Romano avec ses conseils pas chers. Et on va parler, tu nous le disais Romano, des tâches ménagères. Ah qu'est-ce que c'est chiant ça. Quel est le truc que vous détestez le plus dans les tâches ménagères? ménagères. Dites-nous au 41 759. Je sais, c'est difficile à choisir parce que moi j'aime à peu près rien. Donc vous pouvez nous dire au 41 759 sur l'appli Skyrock qu'est-ce que j'aime pas. J'aime pas nettoyer le sol avec une serpillière. Ah je sais pas, moi je fais jamais ça. J'aime pas faire les vitres. Ah ça c'est relou les vitres. Ah, puis j'ai peur de tomber. Ah tu peux, bah oui. Puis tu vois un grand escabeau, Romano. Non mais c'est vrai, tu peux tomber dans le vide. Et oui, tomber dans le vide. Non mais c'est vrai, c'est gay. Oui, c'est pas mal. Si vous lavez les vitres aujourd'hui, faites gaffe, c'est dangereux. Hein. Mais pour la serpillière, Difool, j'ai une technique. C'est quoi? C'est des lingettes toutes préparées. Ouais. Et c'est pratique. Bah, faut frotter quand même. Ouais, mais c'est mieux que de mettre la serpillière dans l'eau, l'essorer et tout. C'est ouais, mais c'est cher ça, Cariole. Puis c'est pas très écologiste. Tu sais que je suis un écologiste. À mort. Il y en a des écolos maintenant. Je fais gaffe à la planète. Ouais. Je ne jette jamais mes cigarettes par terre. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je laisse faire tout ça à Cariole. Elle adore. Donc. Bon, alors, non, j'aime pas. Vos tâches ménagères, vous nous dites. J'étais faire la poussière. Tiens, qui c'est qui nous dit ça? Isako, elle a 23 ans. Moi, c'est faire ma chambre, tout simplement. C'est Emeric, 14 ans dans l'Essonne. La poussière encore. Tiens, pour Jérémio, le repassage. Ah ouais. C'est pas que j'aime pas, mais c'est juste super, super long pour Ophélie du 62. Ben non, mais t'as pas besoin de repasser. Hein, si les vêtements, tu les étends bien quand tu les fais sécher. C'est pas pareil quand même. Ah, je suis d'accord. Romano, fais le repassage. J'ai la raison, Cariole. Fais lui faire du repassage. Non, moi, j'aime bien plier le linge et le mettre dans la machine à laver. Tiens, il y a Kaline qui déteste faire la vaisselle. Ouais, j'aime pas non plus. En fait, on aime rien. Hein, c'est marrant. Hein. Pareil pour Dorian. La vaisselle, il déteste. Dorian, pardon. Merci Dorian. Bon, on en reparle puisque c'est le sujet des conseils pas chers de ce matin. Oui, comment se faire faire le ménage gratuit pas cher. Et tu nous feras le top 15 des pays où les hommes participent le plus aux tâches ménagères. Ouais, bon, mais... je vous le dis direct, on n'est pas premier. Non, ça m'étonne pas. Ouais. Non, je vous le dis d'avance. La réponse, c'est après les 1500 euros sur Sky. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Il y a une demi-heure, j'ai ouvert l'enveloppe, l'enveloppe avec le numéro des 1500 euros. Et ouais, c'est tombé. On va voir si Romano, tu portes chance toi aussi. Est-ce que j'ai la main heureuse? Oui. On était à Créteil il y a une demi-heure, on fait une bise à Ophélie. Il y a une autre Ophélie qui a gagné 1500 euros. Bisous ma chérie, bien joué. Alors, on va où? Ah, j'ai tout déchiré. Alors, ah, on t'as va. Fait, t'as ouvert l'enveloppe comme un sagouin, non? On va à Millau, dans le 12. Millau. Millau, pardon. Oui. Comme le viaduc. Le viaduc de Millau, oui. Et on va chez Hélène d'Acosta. Ah, Costa, si. Eh si. Eh si, ou Portugal. Portugal. Portugal ou espagnol. Alors, là, les d'Acosta, c'est portugais d'Acosta. Après, plus Portugal. Allez, Hélène d'Acosta, Millau, si elle répond Skyrock, elle repart avec son chèque de 1500 euros. On a la troisième sonnerie, ou la quatrième, je sais pas, on va, wow, dire, on va dire que c'est la troisième. Allez, allez, quatre maintenant. Quatrième pour Hélène d'Acosta, 1500 euros pour Hélène. Faut se dépêcher, Hélène. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Hélène. Mais non, mais c'est monsieur d'Acosta. Vous n'êtes pas Hélène, vous? Si, non. Si. Ah, non. Vous êtes monsieur d'Acosta. Oui. Bonjour, oui, monsieur d'Acosta. C'est la radio au téléphone. On vous appelle pour vous offrir de l'argent ce matin. Oui. Oui. On a 1500 euros à vous offrir. Il faut juste répondre à une question, monsieur. C'est quoi votre prénom d'abord? Antonio. Antonio. Alors, Antonio, il faut nous dire quelle est votre radio préférée. Si vous avez la bonne réponse, Antonio, vous partez avec 1500 euros. Non, je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas réveillé aujourd'hui avec la radio. Excusez-moi, le monsieur. Ah, désolé, Antonio. Ah, je vais te donner un petit conseil. La prochaine fois qu'on t'appelle, tu réponds Skyrock. Ah, voilà. Et si tu réponds Skyrock, tu gagnes 1500 euros. Bah oui, bah, bonne continuation, monsieur. À la prochaine. Et, au revoir. Et viva Portugal! Portugal in forza. Et oui, Portugal in forza, mais 100 500 euros. 1500 euros pour le prochain coup. Salut Antonio. Allez, au revoir. Et le prochain coup, c'est juste après les infos de 8h. Vous répondez Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Oh, soprano. En feu, en feu. Et à gagner tout à l'heure dans la roulette des places de concert. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais une grande écart de Van Damme. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches, car moi ce soir je suis en feu, car moi équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, ramène-moi des cheerleaders. Je suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, un peu. Si tu me parles, un peu. Si tu me touches, un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Soprano et des places de concert à gagner tout à l'heure et toute la journée d'ailleurs avec toute l'équipe de Skyrock. Vous gagnez vos places de concert pour aller voir la tournée Skyrock de Soprano dans toute et la France, partout forcément près de chez vous. Soprano et En Feu, c'est ce qu'on vient d'écouter à 7h43 sur Skyrock. Vous aimez pas leur passage, hein, vous aimez pas la poussière, vous aimez pas la... Mais non mais je crois que vous n'aimez rien en fait. Vous n'aimez pas la vaisselle. Ah puis il y a VTC qui traduit bien ce que vous pensez. La VTC, 35 ans, moi c'est le ménage tout court. Ouais, mais c'est vrai. Mais je suis grave maniaque. Ah ouais, toi, t'es du genre à pas arrêter à faire le ménage tout le temps. Mais c'est normal que ça te saoule à ce niveau-là. On va faire un petit point ménage maintenant. C'est pour les conseils pas chers de ce matin. Ouais. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je te laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, ben vous voulez que j'appelle les flics ? Romano, le roi des escrocs. Et oui, le roi des escrocs est avec nous et avec les conseils pas chers ménage ce matin. Ouais, et attention, j'ai le top 15 des pays où les hommes participent le plus aux tâches ménagères. Les hommes participent le plus aux tâches ménagères et on n'est pas premier à ça, dis donc. On est loin d'être premier. Eh bien les gars, je vous le dis, c'est pas sérieux. Bon, ceux qui participent le plus aux tâches ménagères, c'est les Norvégiens. Bravo la Norvège. Bravo. Les deuxièmes, les Australiens. Mm-hmm. Bravo les Australiens. Les troisièmes, les Danois. Mais on est où ? Plus loin. Ah. Quatrième, les Suédois. Bonjour, c'est Zlatan. Cinquième. Vous imaginez Zlatan en train de faire le ménage? Bah pourquoi ouais, pas. Ouais, habillé en soubrette. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il y a tout en noir avec une petite habillée blanc. C'est les fantasmes de l'équipe, hein, de voir Zlatan en soubrette. Alors, cinquième, donc les Finlandais. Sixième, les Canadiens. Septième, les Polonais. Mais on est où? On arrive. Ah. Huitième, les Américains. Ah, on est derrière les Américains, ils font plus de ménage que nous, les hommes. Ça y est, nous sommes en neuvième position. Ah, ouais. La France. Ah, ouais. Numéro 9, donc, les Français. Il y a pire, hein, que nous, puisque les dixièmes, c'est les Espagnols. Les onzièmes, les Allemands. Douzièmes, les Anglais. Treizièmes, les Slovènes. Quatorzièmes, les Pays-Bas. Et les derniers, bravo à eux, les Italiens. Comme c'est surprenant, les Italiens. Étonnant. Étonnant, ouais. Bon, ce matin, la méthode, le ménage, ça fait chier. Bon. Vu tous les messages, ça fait chier tout le monde. Oui. Eh bien, ce matin, j'ai trouvé la solution. Ce week-end, j'ai fait une petite fête. La maison est sale. Je vais demander à la femme ou à l'homme de venir me donner un coup de main pour avoir un ménage gratuit pas cher. En gros, femme de ménage, homme de ménage gratuit pas cher. Alors, comment faire ? Ben, voici la démonstration tout de suite sur Skyrock. Vas-y, Romano, montre-nous de quoi t'es capable. Mmh. Ah, Philippe. Allô, Philippe ? Oui, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Philippe ? Oui. Ouais, bonjour, comment tu vas ? Bah attendez, je veux savoir déjà qui c'est. Hein. C'est Monsieur Lapin, c'est l'appareil. Là, j'habite pas loin de chez vous. D'Ivoire, t'as toujours ta femme ? Attends, répète-toi là. T'as toujours ta femme ? Non, moi j'ai que... T'habites où là ? J'habite pas loin de chez toi. C'est-à-dire ? Je préfère rester discret pour le moment. Non, je veux savoir ton nom hein, déjà. Monsieur Lapin. La pince. Ouais. Et ah ouais. En fait, je voulais te demander, parce que là, j'ai fait une fête ce week-end, ma maison est dégueulasse. Ta bonne femme, elle pourrait pas venir faire un peu le ménage chez moi? Ouais, je vais t'en faire chauffer du ménage, moi. Est-ce que je peux venir la prendre tout de suite? Ouais, bien sûr. Ouais. Si ou alors, et si tu veux que, pas que ça, ta femme, elle vienne, tu peux venir toi-même, hein. Ah ouais, y a pas de problème. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai le balai, les gants, les petits trucs exprès. Hein. Et la bite soubrette parce que tu dois être très sexy en soubrette. C'est nickel, mon pote. Mmh, ouais. Bon, donc, allez. Tu mets ta petite jupe et j'arrive dans 5 minutes te prendre. D'accord, nickel. Eh ben, c'est parfait, merci. Tu viens tout seul ou avec ta femme du coup? Pas de problème, arrive, mec. J'arrive, mec, ton. Bravo. Bravo, Romano. En plus, ce qui est bien, c'est que tu fais faire le ménage à un homme et tu montres le bon exemple. Non, mais en plus, il était super content. Il était content comme tout. T'en veux un deuxième? Oh, bah vas-y. Parce que c'est très très sale. Oui, c'est très sale. Bah, Carayol fait pas le ménage. C'est normal. C'est scandaleux. C'est sale chez nous. Sale. Chez Ludo. Chez Ludo. Vous voyez que ça marche. Demandez un petit service à un de vos voisins. Sympa comme Philippe. Ouais. Allô, Ludo? Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu? Bien, mais... Bien. Je suis un voisin à toi, j'habite à 200-300 mètres, monsieur Lapin, ça l'appareil. Oui. Oui. Excuse-moi, c'est tellement sale chez moi. Il y a de la poussière. D'Ivoire, j'ai un petit problème, j'ai fait une fête ce week-end, ma maison est un peu toute sale, et je voulais te demander si toi ou ta femme voudriez pas venir faire le ménage chez moi. Bien sûr. Oui. Ah, ah bah, oui. C'est nickel, je peux passer vous prendre dans 5-10 minutes? Non, je crois pas, non. Bah, ou simplement ta femme ici. Tu viens à pied, alors, c'est à côté. Il a dit oui, de toute façon. Ouais, tu mets ton petit habit de soubrette et tu viens me faire mon petit ménage. Mais vous êtes grave. Bah, non, mais attends, entre voisins, on peut se rendre service quand même, merde. Mais, ça, c'est quoi le souci, là, en fait? Bah, le souci, c'est que chez moi, c'est dégueulasse et j'aimerais bien que tu fasses le ménage. Faut que je vienne faire le ménage chez vous, quoi. Ouais, c'est ça. Et avec ta femme, éventuellement. Ouais, bien sûr. Je vous paye le café, hein. Je suis quand même... j'ai du savoir-vivre. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, je passe vous prendre dans 5 minutes. Ouais, ouais, ok, ouais. Eh bah, tout de suite, c'est super sympa, Ludo. Merci à toi. Bisous. Salut, Ludo. Eh ben, voilà. Bah, tu peux lui faire un bisou, hein. Ah, bien joué, gros. Eh, bien joué. Deux coups de fil, deux réussites. Eh bah, c'est parfait. Comme tu es fort. Comment avoir, donc, un ménage gratuit pas cher? Eh bah, c'est fait. C'était... Bah, demandez à vos voisins. Bah oui, demandez à vos voisins. C'est pas cher. Nous, on a Philippe et Ludo. C'est nos voisins. Ils sont sympas. C'est parfait, ouais. 7h48 sur Skyrock. Dans un instant sur Sky, on retrouve votre loser du jour. Notre loser du jour ce matin. Et on va aller faire un tour à la télé. On va parler foot. Qui est donc le loser du jour? C'est à découvrir. Et puis, dans une minute, il est 7h49, donc à 7h50. Même moins d'une minute, allez. On vous fait votre horoscope, l'horoscope de l'amour à découvrir sur Skyrock. Et le son pour se réveiller ou pour aller taffer, c'est Mike Posner qui arrive aussi. Ghetto Phénomène. Découvrez leur tube Maria Maria avec Jules. Maria Maria, le single de Ghetto Phénomène, déjà disponible. Leclerc. Papa, je te vois. Quoi? Je goûte. C'est un secret de mousse laitière que j'ai acheté en promo chez Leclerc. Et c'est bon? Oh, si c'est bon. Chocolat au lait ou chocolat noir. Et avec en plus 40% de réduction immédiate. C'est parce que la gourmandise se partage en famille que du 6 au 17 septembre chez Leclerc, le pack de 8 secrets de mousse laitière format familial de 472 grammes, plusieurs variétés au choix origine France, avec 40% de réduction immédiate, est à 1,13€, soit 2,39€ le kilo après réduction. Bon, modalité en magasin. C'est trop bon! Je sais. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Et voilà, comme promis, l'horoscope de l'amour à 7h50 sur Sky. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et les puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5, on démarre par les meilleurs, les poissons et les capricornes. Comme toi, Diffoul. Comme toi, Diffoul. En effet, vous avez raison de m'interrompre. Comme moi, on a 5 sur 5, on est les meilleurs. Le week-end nous a bien reposés. On est complètement d'attaque pour faire des folies de notre corps. Foncez, c'est le conseil pour les capricornes et les poissons. C'est une journée où tout est possible, surtout le meilleur. 4 sur 5, les lions et les vierges, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Si vous avez fait des efforts ces derniers temps, la récolte, c'est pour aujourd'hui. 4 sur 5. 3 sur 5, c'est bien aussi pour les sagittaires et les taureaux. Vous serez zen en ce lundi, ça va attirer les autres. Ouais. 2 sur 5, les Verseaux et les cancers. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vos affaires de cœur aujourd'hui. Vous serez super occupés, mais vous vous rattraperez dans la semaine. C'est ça la bonne nouvelle. 1 sur 5, les béliers et les gémeaux. Une personne pourrait chercher à vous énerver aujourd'hui. Une personne de votre entourage. Optez pour l'indifférence et vous aurez bien raison au final. Et pour finir, eh ben, il nous reste les balances et les scorpions. Célibataires. Évitez de draguer quelqu'un qui est déjà en couple. Ça peut vous amener des problèmes. Et si vous êtes en couple, ne cherchez pas à contrôler votre partenaire. partenaire. Faites-lui confiance, ça évitera des embrouilles. Voilà pour l'horoscope de ce lundi 12 septembre. Et dans un instant, le loser du jour, on est allé le chercher sur Canal+. Ah ouais. Dans un instant, sur Skyrock à découvrir. Il est 7h51. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But there was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. I took a pill in Ibiza sur Skyrock. On écoutait Mike Posner à 7h54. Et à 7h54, comme tous les matins, c'est notre top loose, top win. On découvre le loser du jour, le winner du jour. Je vous l'annonçais aujourd'hui, c'est un loser. Allez faire un tour sur Canal+. Le loser du jour. Le loser du jour. Alors, ce n'est pas le nouveau petit journal, ce n'est pas le nouveau grand journal, ce n'est pas le gros journal, ce n'est pas le truc de sport de midi, enfin tout le programme de Canal+. Le loser du jour, c'était hier soir, à la fin du match qui opposait Nice à Marseille, victoire de Nice 3-2 contre Marseille. Ouais. Et donc, notre loser du jour, c'est Laurent Paganelli. Vous savez, c'est le petit blond marseillais, il est sympa lui. Oui, oui, oui, tout le temps bronzé là. Ouais, tout le temps bronzé, il est orange. Hein. Ouais, c'est ça, bon, carburant aux UV, je pense. Ah oui, mais orange, je suis orange. Le mec, en fait, c'est une carotte avec une touffe blonde au-dessus. Oui, c'est ça, une carotte blonde. Et donc hier, il fait à la fin du match une petite interview de Mario Balotelli, la star du match d'hier, puisque il a marqué deux buts, Mario Telli. C'est Balotelli. Ça. Et ça y est, il joue à Nice, ouais. Et il joue à Nice. Eh ben, une belle recrue pour les Niçois. Ouais, bien, bien, bien, bien. C'est donc notre loser du jour, Laurent Paganelli. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est bon, j'ai mis le jingle déjà. Ah, tu as mis le jingle. Oui, c'est bon. Le loser du jour, c'est tout est bon là. Je ne l'avais pas entendu. Je l'entendais. Je l'attendais. Non, mais ça y est. Voici donc l'interview hier. Alors, Mario Balotelli est italien. Ouais. Ouais. Hein,

got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Bonne journée, bon lundi, on démarre la semaine ensemble. On la démarre bien sur Sky ce matin. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et on va bien la démarrer avec du gros son à écouter. J'ai vu qu'on avait un petit Tupac à écouter avant 8h30. Tupac, ouh, il arrive, oui. Tupac Shakur. Ouh, mais j'ai entendu crier un Américain. Oh yeah. Il est comment? Oh yeah. Ah, c'est Rémi, oui, je suis content là. DJ Snake, Justin Bieber arrive aussi. On se fera Nekfeu. Ah, plus français ça. Nekfeu avec le S-Crew, super ce morceau. Avant 8h30, tout ça, c'est pour nous. Et à 8h20, tout à l'heure, c'est pour vous. L'iPhone 7 a gagné, on va jouer avec un invité mystère. Ah ouais, gros invité mystère à découvrir tout à l'heure à 8h20. Préparez-vous. Et puis vos messages au 41-759, hein, vous faites péter tout ça. Dans un instant, beau 1 500 €. Mais tout de suite, les infos avec Rémi. C'est parti. Rémi l'Américain qui fait les infos en français. Trop fort. Ah, oh, yeah. Et on démarre par la météo sur la France en plus. Ah, oui, t'as vu. Hein. Un temps encore idéal. Estival en ce début de semaine. Il fait beau, il fait chaud. Voilà. On a quelques nuages en Bretagne et sur le nord, mais vraiment rien de bien méchant. Les températures, déjà entre 17 et 23 degrés ce matin, de 25 à 32 cet après-midi, des Pays de la Loire jusqu'aux frontières avec la Belgique. 30 degrés en moyenne partout ailleurs, avec un pic de chaleur au sud de la Garonne, où ça va grimper jusqu'à 37. Et puis la pollution, ouais, il va faire chaud, pas terrible. Les indices compris entre 4 et 6. 5 à Paris, 6 à Bordeaux, Marseille, Lyon, Reims et Metz. Voilà, bon courage dans le sud-ouest, à Bordeaux, à Toulouse, à Montauban, à Agen et à Biarritz et à Bayonne. 36 degrés aujourd'hui, 36. Profitez bien. Et oui, et à 8h05 sur Skyrock, les infos et le sport. C'est parti. Une réunion pour sauver Alstom ce matin. Elle est prévue d'ici une petite demi-heure à l'Elysée entre le président Manuel Valls et les ministres concernés. Le chef du gouvernement estime que les pratiques d'Alstom sont inacceptables. Le groupe a annoncé l'arrêt de son site de production à Belfort. 400 salariés et leurs familles devront quitter la région pour travailler en Alsace, dans une autre usine de l'entreprise. Le gouvernement cherche donc une solution dans ce dossier qui fait tache à quelques mois de la présidentielle. Il y avait déjà eu une opération de sauvetage. C'était en 2004, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. Les salariés ont prévu de manifester ce jeudi. L'appel de La Rochelle lancé ce week-end par les frondeurs du PS. Alors que la fête de l'UMA à Courneuve battait son blein, c'est au bord de l'océan qu'ils se sont réunis dans une sorte d'université d'été. Benoît Hamon a milité une nouvelle fois pour une grande primaire de la gauche avec les écologistes. Pas sûr que l'aile gauche du PS soit entendue cette fois-ci. Un appel similaire avait été fait il y a 9 mois. Communistes, écolos et Jean-Luc Mélenchon avaient refusé en bloc. Pas question pour eux de concourir face à François Hollande au risque de devoir le soutenir s'il devait remporter l'élection présidentielle. Une visite rare aujourd'hui à Paris. Le Dalai Lama vient à la rencontre des fidèles pour 6 jours. Le chef spirituel des Tibétains donnera des conférences, mais aucune rencontre politique prévue au programme. Il ne souhaite pas froisser le gouvernement chinois. Cela faisait 5 ans qu'il n'était pas venu en France. Et puis une bonne fête à tous les musulmans qui nous écoutent et puis les autres aussi. Hein. C'est l'Aïd aujourd'hui. Bon Aïd. Tu nous amènes à manger ce soir? Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Ça, souvent, ça veut dire. Deux morts dans le crash d'un ULM hier, non loin de Salo, dans le Calvados. L'appareil s'est écrasé dans un champ. Les raisons de l'accident ne sont pas encore connues. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place et n'ont pu que constater le décès des victimes. Et on fait un point sur le foot maintenant avec la fin de la 4e journée de la Ligue 1. Et on fait aussi un petit tour du côté de l'Europe, le tour d'Europe des stades. Ouais, derby méditerranéen hier entre Nice et Marseille qui, forcément, concentré les regards vers Mario Balotelli. Et bah oui, il était titulaire. Et en plus, il a pas déçu puisqu'il a quand même claqué 2 buts pour sa première titularisation. Du coup, score final 3-2 pour les Aiglons. Rennes s'est imposé 2-0 face à Caen et défaite 3-0 de Nantes contre Metz. Au classement, Monaco et Nice se partagent la première place devant Metz et Bordeaux. Paris n'est que 7e après avoir concédé un nul au Parc des Princes. C'était vendredi soir contre l'AS Saint-Etienne. Le tour d'Europe des stades avec les principaux scores du week-end. Manchester City a dominé United malgré un but de Zlatan 2-1. Même score en faveur d'Arsenal contre Southampton avec une réalisation de Koscielny. Match nul 2-2 entre Swansea et Chelsea. Au classement, Manchester City est en tête devant Chelsea et United. En Espagne, l'Atlético Madrid a collé un 4-0 à Celta Vigo avec un doublé de Griezmann. Le Real s'impose 5-2 contre Osasuna et le Barça s'incline 2-1 face à Alaves. À la Maison Blanche qui domine le classement pour l'instant devant Séville et le Sporting Gironde. En Allemagne, le Bayer Leverkusen a été plus fort que Hambourg, 3-1. Le Bayern domine les débats devant Berlin et la Cologne. Enfin en Italie, l'AC Bayern Milan. De Munich. Ouais, Bayern de Munich, tout à fait. Ouais. Enfin en Italie, l'AC Milan a été tenu en échec 1-0 contre Udinese. 1-2 entre Chievo Vérone et la Lazio. L'Inter a eu raison de Pescara 2-1. La victoire de la Juve, c'était samedi soir 3-1 face à Sassuolo. Les Turinois qui sont en tête du classement devant l'AS Roma et Naples. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h08 sur Skyrock. C'est l'heure de vous offrir 1 500 € en direct. Dans le morning de Difool, ils ont tous un secret. Sauras-tu les reconnaître? Il peut sentir les odeurs à plus de 1000 km. Il perd ses cheveux chaque fois qu'il reçoit une facture. C'est Romano. Il fait l'amour en moins de 3 secondes. On présente les précoces. Elle est amoureuse de son chien. Alors, vous les avez reconnus? 6h-9h. The Morning Show. Le Morning Daddy Fool sur Skyrock. Eh oui, on est là tous les matins sur Skyrock. Bon réveil à vous, il est 8h08. Bon courage si vous êtes déjà dans les bouchons ce matin. J'espère que vous avez votre téléphone à côté parce qu'on va vous appeler pour les 1 500 €. Oui. D'ailleurs, si vous voulez augmenter vos chances de gagner 1 500 €, vous pouvez envoyer au 7-20-20 1 500. Vous envoyez 1 500 au 7-20-20 et vous serez peut-être tiré au sort. D'ailleurs, c'est tombé il y a une heure. Elle avait envoyé son message 7-20-20 Ophélie de Créteil. Elle l'a envoyé hier. Elle l'a envoyé hier ça, ouais. Et on l'appelle aujourd'hui. Ouais. Vous envoyez un message aujourd'hui, vous appelez demain, vous imaginez? Quelle joie, joie et bonheur. Dans les cœurs. Et argent dans le portefeuille, surtout. C'est à gagner sur Skyrock tout de suite. J'ai l'enveloppe, elle est là. On retrouve Jean-Luc Reichmann pour les réveils de stars de ce matin. Hein. Ouais. Jean-Luc Reichmann qui veut réveiller un monsieur. Christian. C'est Christian. Christian. Il va bien, Jean-Luc. Hein. Ah, toujours. Ah, il est toujours en pleine forme. Jean-Luc Reichmann arrive, c'est sur Skyrock. C'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Non, sur Skyrock ce matin, Jean-Luc. Eh ouais. Eh ouais, juste après Justin Bieber et DJ Snake. Les 1 500 €, c'est tout de suite. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Eh oui, c'est facile pour gagner. Vous répondez Skyrock, j'ouvre l'enveloppe. L'enveloppe des 1 500 €. Elle est là. Et elle on appelle, belle. Elle est belle, hein, surtout ce qu'il y a dedans, c'est beau. Un chèque de 1 500 €, on va dans le 37 ce matin, si vous écoutez dans le 37. Et bien vous allez peut-être recevoir un petit coup de fil maintenant. On file à Saint-Avertin, chez Christophe Maignan. Bonne chance à la famille Maignan, bonne chance Christophe. Prévenez d'ailleurs la famille, hein, il faut répondre Skyrock quand on vous appelle. Ouais. Sur le répondeur, ça marche aussi. Hein. Vous pouvez même laisser aussi, sur le répondeur. Christophe Maignan à Saint-Avertin. Allez les Maignans. Troisième sonnerie, il faut répondre avant la cinquième. Allô? Allô Madame Maignan? Oui. Bonjour Madame Maignan, comment allez-vous? Ouais, ça va. Ça va, c'est la radio Madame Maignan, on est en direct à la radio. Ah bon? Eh oui, on vous a tiré au sort ce matin, c'est pour vous offrir 1 500 €. Oui. Ah bon? Toutes les demi-heures, on offre 1 500 €, et là c'est votre tour Madame Maignan. Ah bon? Eh oui, c'est comment votre prénom? Vous n'êtes pas Christophe, vous? Non, c'est Daniel. C'est Manuel. D'accord. Daniel. Alors Daniel, je vais te demander, on va se tutoyer, hein, tu as l'air sympa. Je vais te demander quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne réponse, Daniel, tu repars avec 1500 euros. Je sais pas, j'écoute pas trop la radio, alors je dirais Europe 1. Ah, c'est pour ça que t'écoutes pas trop la radio. Oui. C'était Skyrock, Daniel. Ah bon? Eh oui, on est en direct sur Skyrock ce matin et on t'appelait. Ça nous aura fait plaisir que tu gagnes 1500 euros. On t'appelait pour t'offrir 1500 euros. Tant pis pour moi alors. Bon, tu sauras pour la prochaine fois quand on t'appelle et qu'on te demande quelle est ta radio préférée, tu réponds Skyrock, c'est dans la poche. Ok. Et viens vite nous rejoindre, Daniel, on t'embrasse. Salut Daniel. Bonne journée. Salut Daniel. Bisous. Bisous. On garde le chèque pour tout à l'heure, on recommence dans moins d'une demi-heure. 1500 euros à gagner et dans un instant, le réveil de star. Comment va réagir Christian quand il va parler à la grande star de TF1, Jean-Luc Reichmann? Jean-Luc Reichmann en personne. En personne, himself, comme on dit, aux États-Unis d'Amérique. Yes. Il arrive après Justin Bieber, comme on dit au Canada d'Amérique. Hey, tabernacle. Ouais, Justin Bieber et DJ Snake. DJ Snake est français. Ouais. Et ouais, qui était venu dans les studios de Skyrock de faire un mix d'ailleurs, DJ Snake. Français du 9-3. Big Up 5, ouais. 9-5. 9-5. Ouais, pareil. L'aide France, quoi. Allez. Vive la France. Ouais. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Sur Skyrock avec le son de DJ Snake et dans un instant c'est Tupac qu'on va retrouver, gros classique sur Skyrock, gros son de Tupac, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et là à 8h15 c'est qui? C'est Jean-Luc Reichmann. C'est Jean-Luc Reichmann. Ah bah oui, on va s'occuper de lui là. C'est Jean-Luc Reichmann, c'est lui plutôt qui va s'occuper de Christian qu'on va appeler. Ouais, et qui va parler avec Jean-Luc Reichmann. Une star de TF1, c'est magnifique. Tu as une question à poser à Christian, Jean-Luc, un truc à lui demander. Vous nous faites voir votre zizi. Non mais ça va pas, non, on va pas te faire voir notre zizi. Mais non, pas là, non. Il est bizarre, Jean-Luc Reichmann, c'est quand même bizarre cette histoire. Allez, c'est parti, on y va, vous êtes prêts? Ouais. Réveil de star. Eh ben nous aussi. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. Je sais pas qui vous êtes. C'est le réveil de star sur Skyrock. Ouais, et ce matin, Jean-Luc Reichmann, comme promis, réveille... Christian. Comme dans les 12 coups de midi sur TF1. Ouais. Allez, c'est parti. Un nouveau Christian pour Jean-Luc Reichmann ce matin. Comment il va être accueilli? J'espère que ça va bien se passer. Christian et Jean-Luc, et le petit coup de fil. Allô? Allô? Oui. Christian? Oui. C'est Jean-Luc? Oui, c'est Jean-Luc, ouais. Ça va? Ouais, toi? Eh ben oui, plutôt. Ah, bah. Et vous êtes accompagné dans la vie, non? Oui, pourquoi? Et ça fait combien de temps? Oh oui, je ne réponds pas des questions à n'importe qui comme ça. On va parler de votre libido. Non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? Ça va être énorme, c'est énorme! C'est n'importe quoi. Pour toi, c'est quoi faire l'amour? Bon, c'est, tu te présentes, tu dis qui que t'es, tu te fous pas de ma gueule. Je m'appelle Jean-Luc, moi. Quel Jean-Luc? Et c'est Jean-Luc Reichmann. Oui, Jean-Luc Reichmann, tu arrête tes conneries. C'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Oui, de TF1, oui. Alors ça me fait plaisir. Bon, et je te préviens, moi je vais porter plainte, hein. Eh ben écoutez, moi aussi. Oui, n'importe quoi. Qui c'est ce vous? Mais j'en sais rien, il dit que c'est Jean-Luc Reichmann. Merde. Il y a une bonne ambiance. Eh ben oui, parce que je ne sais pas qui c'est, t'as des questions qui ne correspondent pas du tout. Excuse-moi, est-ce que tu peux me dire comment se fait un bisou et plus si affinité? Et on a autre chose à faire que de parler à des questions comme ça cette heure-ci. Ah, moi, je te préviens, je fais une recherche pour savoir qui c'est qui m'appelle et je porte plainte. Quel âge a votre zizi? Bon, tu fermes ta gueule et tu me fais plus chier. Quel âge a votre zizi? Il est content, Jean-Luc Reichmann. Hein. Ouais, Christian l'était beaucoup moins, lui. Oui, alors que Jean-Luc a été super sympa et en plus, c'est quelqu'un de TF1, c'est quand même la classe. Ah, tu me fais chier. Oui. C'est vrai que... Et Cédric rit pareil. Voilà, écoutez. Ouais, oui. Et ouais, Cédric alors... sera peut-être le fils caché de Jean-Luc Reichmann. C'est possible. Peut-être. Ou alors c'est son idole et il rigole comme lui exprès. Ah, je crois que c'est ça. Oh oui. Et bien voilà, c'était pas l'idole de Christian, hein, Jean-Luc Reichmann. Non, pas trop. En tout cas, merci à Jean-Luc pour cette petite visite. Ce matin, réveil de star, tous les matins, 6h10, 7h10, 8h10. Là, il est 8h18. On prépare l'invité mystère. Ah, gros invité mystère à découvrir. Une grosse star ce matin et un gros iPhone à gagner, le tout nouveau. L'iPhone 7, c'est juste après Tupac sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Ah, c'est bon ça. Un bon Tupac pour se réveiller. Grand classique de Sky, première radio urbaine mondiale. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Allez, petit tour en Californie, c'était Tupac et ça fait toujours plaisir de retrouver un petit Tupac comme ça le matin, un gros son même de Tupac. Ouais. California, love. Love. L'amour californien. C'est ça. C'est ça, man. Et ouais, c'est comme ça sur Skyrock, on voyage, c'est gratuit, bon réveil à vous et à 7h22 on voyage et on va vous offrir l'iPhone 7. Ouais. Il est pour ouais. vous, il est à gagner, c'est l'heure de l'invité mystère. Oui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, non, attends, je me suis trompé de jingle, pardon. Fallait bien que j'en fasse une ce matin. Quelle honte, c'est quelle honte sérieux, se ça. Tromper de jingle un lundi matin à 8h22 alors que moi j'attendais le jingle qui fait l'invité mystère. Alors attends, je vais te le mettre. Alors mon jingle de l'invité mystère, sinon je lance pas l'invité mystère, c'est comme ça. Allez, bah c'est parti le jingle. L'invité mystère. Ah, l'invité mystère à découvrir tout de suite sur Skyrock. Voici l'invité mystère. Il arrive, il est là et on va le découvrir tous ensemble. Écoutez bien l'invité mystère, un son très très court et dès que vous l'entendez, vous envoyez vos messages au 41759 ou sur l'appli Skyrock. Et vous laissez bien vos numéros de téléphone, sinon on peut pas vous rappeler, ça serait con. Écoutez bien l'invité mystère, tu es là. Voilà. Il est là, notre invité mystère. Mais c'est une vache. C'est une vache, ouais, c'est ouais. ce que j'allais dire. Eh bien, je vous donne un indice. L'invité mystère n'est pas un animal. Non. Il ne s'agit donc pas d'une vache. Et non, il ne s'agit pas d'une boîte à meux non plus. Génial. Qui c'est notre invité mystère? Si vous avez une petite idée, allez-y. C'est sur le 41. Ce n'est pas un âne. J'ai dit que c'était pas un animal. Je vois les messages qui commencent à défiler là. Ça défile. Non, ce n'est pas Cédric non plus. Non plus, non plus. Qui s'amuse à faire le porc. Ce n'est pas un porc d'abord. J'ai dit que c'est pas un animal. Donc ce n'est pas Cédric. Qui c'est? Allez, c'est lui. Pour l'iPhone 7, ah bah vous tentez tout, hein, pour l'iPhone 7, vous avez une petite idée, vous envoyez ça très vite, 41759. Et sur l'appli, on vous retrouve dans un instant avec le nom de l'invité mystère. Et je peux vous dire qu'on va rigoler. Allez, je vous donne un indice. C'est un grand, grand comique français. Ah. Comique, comédien, star. Comique, comédien, star. Et il fait toujours. Allez, c'est qui? Vous réponse très vite, il est 8h24 sur Skyrock. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Leclerc. Maman, viens voir ! Quoi ? Si je te dis je veux du volume 6, la cils zéro défaut, mais j'ai pas de temps à perdre pour me maquiller et je veux aller vite. Oui, bah quoi ? Maman, mascara volume flash de Rimmel, regarde, avec 40% de réduction en ce moment chez Leclerc. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le mascara volume flash de Rimmel avec 40% de réduction immédiate est à 4,17€ après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Bon, je t'en prends un, je m'en prends un, mais le mien reste le mien, on est bien d'accord ? Promis mamoun. À l'occasion de la rentrée des classes, achetez un pot de Nutella et recevez 8 étiquettes personnalisées pour vos enfants. Emma, Enzo, Chloé, Nathan. Alors rendez-vous en magasin ? Offre valable jusqu'au 30 septembre sur les pots porteurs de l'offre, voire conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Pendant ce temps chez Renault... Bienvenue aux portes ouvertes French Touch. Du 15 au 19 septembre, venez découvrir la toute nouvelle Renault Clio avec son design encore plus séduisant. Et à cette occasion, la French Touch vous sort le grand jeu avec des offres exceptionnelles et une nouvelle Renault Mégane GT à gagner. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Tous les jours, 10% en avantage carte sur non pas deux, mais trois marques producteurs commerçants. Ce mois-ci, Bouton d'Or, Fiorini et choisi par vous via notre page Facebook, la marque Pâturage. 10% en plus pour mieux récompenser votre fidélité. C'est aussi ça, être producteur commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Bravo. Et on fait quoi maintenant? Sers-toi de ton appli Direct Assurance, voyons. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Alors oui, vous avez eu un petit accident, mais non, vous n'allez pas perdre votre bonus 50. Alors on se calme, on va régler ça ensemble. Bravo. Si vous avez un bonus 50, chez Direct Assurance, vous le conservez même en cas d'accident responsable. C'est votre appli banque qui va être contente. En plus, en souscrivant chez Direct Assurance, vous pouvez économiser en moyenne 270€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Bon, pour la reprise de la Champions League, on attend Beansport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur de jeu. Avec deux affiches françaises en exclusivité par journée, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. Darren, les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs. Compris? Yes, sir. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur beIN Sport. Avec demain, Paris Saint-Germain, Arsenal. Et mercredi, Olympique Lyonnais, Dynamo Zagreb. En direct et en exclusivité sur beIN Sport. Voir conditions sur beIN Sport.com. Breakdown. Il rentre dans la surface, il tire et c'est le but! Avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Canal+ et beIN Sport avec demain Paris Saint-Germain Arsenal à 20h45 en exclusivité sur beIN Sport et le 14 septembre Tottenham Monaco à 20h45 en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, Canal Sat 100% Sport et beIN Sport. Le mois Carrefour. Carrefour a commencé avec des promos renversantes. Jusqu'à 70% d'économie sur la carte Carrefour, sur les capsules Ariel et encore plein d'autres produits de marque. Jusqu'à 70%? Attention à la descente! Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à ce soir, profitez de 70% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits de marque. Valable sur les capsules Ariel Pods 3 en 1 par 30. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Et sur Skyrock, il est 8h28, on va découvrir notre invité mystère ce matin. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Il est là, notre invité mystère ce matin. Facile. Bon, vous allez voir, parce qu'il y a un plat qui cherche, qui trouve pas. J'ai vu les messages. Bon, quand vous vous donnez la réponse, je vais vous dire, mais c'est bien sûr. Mais évidemment. Évidemment, et c'est Hugo à Avignon, ou en Avignon, qui est en direct avec nous. Salut Hugo. Salut Hugo. Salut. Bienvenue sur Sky Hugo, t'as 25 ans. C'est bien qu'un sudiste découvre le nom de l'invité mystère, parce qu'il n'est pas vraiment de la région, l'invité mystère. Et si. Et non. Ah non, il vient du Nord. Ouais, mais moi je suis originaire du Nord, justement. Ah, t'es nordiste. T'as migré en Avignon. C'est ça, on va chercher le soleil. Ah, bah t'as raison. Oui, c'est vrai qu'il y en a un peu plus. C'est bien de vivre à Avignon, Hugo. T'es content? Oui, ça va. C'est bien. Alors écoute bien, je vais te ramener un petit peu à tes racines. Mais oui, c'est notre invité mystère. Qui est donc l'invité mystère, Hugo? Eh ben c'est Danny Boone, mais oui. Le ch'ti Danny Boone. Alors Danny Boone, oui. Qu'on va beaucoup voir à la télé, parce qu'il va rentrer en promo pour un film. Alors c'est bizarre qu'il t'ait pas appelé pour ce film, Romano, ça s'appelle Radin. Ouais, j'ai vu la bande-annonce. T'es pas jaloux, t'aurais pas aimé jouer le rôle de Danny Boone? Bah si, pourquoi pas. Et oui, le rôle de ma vie. Oui. Il va jouer un Radin. Ouais, un Radin à l'extrême, ouais. Un gros Radin à l'extrême. Mais comme toi, ils sont inspirés de ta vie, c'est pas possible. Ouais, c'est possible. Parce que le Radin fait de la radio sur Skyrock. Ouais. Donc le film va sortir, je crois qu'il sort à la fin du mois, fin septembre. Et, ouais, et dans 15 jours, je crois, à peu le 28. Le 28 septembre, précisément. Merci pour la précision. Et donc ça s'appelle Radin. Et bon, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, vous n'avez pas le louper. Il passera à la télé partout. Ouais. Et ben bravo Hugo. Bah oui, c'est gagné. Merci. Tu as gagné ton iPhone 7, dis donc. Bravo. Et ouais. Tu fais quoi comme boulot à Avignon? Technico-commercial dans le BTP, là, je m'en vais sur Nice. Bon, bah écoute, bah c'est bien, tu voyages, tu restes dans le sud en plus. Ouais, on fait des bornes. Eh bah, profite bien, reste bien sur Sky. Et la prochaine fois que tu nous appelles, ce sera avec ton tout nouveau téléphone, l'iPhone 7 qu'on te filme et qu'on t'envoie à la maison, là. C'est le troisième à gagner ce matin déjà. Ouais. Bravo. Eh ouais, c'est du bon. Super. Ça. Bravo à toi. Merci Hugo. Beaucoup. Alors attendez, on va faire un petit tour du côté du spectacle de Danny Boone, parce qu'il sort un film, mais son spectacle démarre même plus précisément au mois de novembre. Oui, nouveau spectacle pour ses 25 ans de carrière. Oui, avec des blagues super et en exclu, voici les meilleures blagues de Danny Boone à propos justement, puisqu'on a offert un iPhone 7, à propos des smartphones. Écoutez. Malgré que je sois né en 1966, j'ai un smartphone. Et c'est pas un vieux Nokia. Oui, attention, c'est parti pour les blagues. Ah, j'ai plein d'applications, je suis connecté sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai une page là, face de boucle. page face debout. C'est bien parce que celle-là n'a jamais été faite. Non, jamais, ouais. Jamais, jamais, jamais. J'ai un compte Twitter, 9h, 10h, 11h. Twitter, 9h, 10h, 11h. Attendez, c'est pas fini parce qu'il connaît aussi Snapchat. Snapchat, Snap tous les bonnes voilà. Et c'est pas fini parce qu'il connaît aussi Periscope. Magnétoscope. Périscope. Magnétoscope. Ouais, oui, c'est. Ah, merci. Ouais. Parce merci, que ouais. Faut mettre le tut-tut, sinon on rigole. Magnétoscope, caméscope. Et est-ce qu'il connaît Instagram hein? Instagram, piqué-piqué-colégram. Je connais tout, hein. J'ai tout. Oui. Ah, ouais, il est équipé, ah, ouais. Bah, ça, c'est. Eh, ça promet son spectacle. Ah, on va rigoler, hein. C'est dingue, hein, c'est vrai. Tu veux rendre ton fils dépressif, hein, coupe-lui les pouces, hein. Ça, c'est rigolo. C'est vrai, tu veux rendre ton fils dépressif, tu lui coupes les pouces. Voilà, et il peut plus servir. Voilà, Danny Boone, donc, il prépare son spectacle. Oui, c'est vrai que les blagues, bon, elles datent un peu, hein, quand un même. Peu. Hein, Facebook. Ah, ouais, ça, ouais. Tu sais, c'est un peu du niveau d'Arthur quand il avait fait. Et ma mère, elle a. Je lui ai acheté un forfait orange, elle m'a dit, il n'y a pas une autre couleur. Ah, d'ailleurs, peut-être c'est le même auteur. Non, mais c'est... En plus, ils sont potes les deux. Pour un peu, Danny, ils peut-être qu'ils se voient le week-end et qu'ils écrivent des blagues ensemble. Hey, Danny, t'aurais pas dû demander à Arthur de t'écrire des blagues, non. Non, ça va te bousiller ton spectacle. Ah ouais, ouais. Bon, Danny, non, vous, par le... contre, le film, il a... moi j'ai vu la bande-annonce, il a l'air bien marrant le film. Ah bah évidemment, ça parle de radin. Ah, c'est ta vie. Ouais. Bon, on t'embrasse, Hugo. Bonne journée à toi. Merci, ciao, ciao. Hugo. Salut Hugo, 8h33 sur Skyrock. Et dans un instant, c'est Skyrock qui vous appelle et qui vous offre peut-être 1 500 €. On fait un bisou à Ophélie, elle a gagné. C'est peut-être votre tour. On continue notre tour de France. 1 500 € à choper et Nekfeu à écouter. J'adore ça. Et le escrew, ouais. Le escrew et Nekfeu. Mais oui, on écoute J'aurais pas dû sur Skyrock. Super morceau. Et on écoutera aussi Calvin Harris et Rihanna tout à l'heure. Et les infos de Rémi tout de suite. Eh avec ouais. Les bonnes nouvelles de la météo. On se croirait encore en vacances. Eh ben oui, on s'y croirait presque. Tu as raison. L'été fait du rab un petit peu. Là, elle a pas envie de nous quitter. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le temps est idéal estival. Là, partout où vous voulez, vous voyez du soleil partout. Alors, on a quand même quelques nuages en Bretagne et sur le nord, mais c'est vraiment pas grand chose. Par contre, les températures vont être très chaudes aujourd'hui. Dès 8h ce matin, il fait déjà entre 17 et 23 degrés. De 25 à 32 cet après-midi des Pays de la Loire jusqu'aux frontières avec la Belgique. 30 degrés en moyenne partout ailleurs avec un pic de chaleur au sud de la Garonne où ça grimpera jusqu'à 37. Et puis la pollution, c'est pas terrible, les indices sont compris entre 4 et 6. 5 à Paris, 6 à Bordeaux, Marseille, Lyon, Reims et Metz. Et le point sur l'actu tout de suite, l'actu et le sport sur Skyrock. Un ado radicalisé de 15 ans interpellé ce week-end à Paris, il comptait passer à l'acte rapidement et mourir en martyr. Le garçon était assigné à résidence suite aux attentats du 13 novembre. Il voulait attaquer le plus de monde possible avec un couteau. L'adolescent est toujours entendu ce matin à Levallois-Perret en région parisienne par les enquêteurs de la DGSI. Il était en lien sur Periscope avec Rachid Kassim, un Français en charge de la propagande chez Daesh entre l'Irak et la Syrie. C'est lui qui aurait commandité les trois femmes interpellées la semaine dernière. Une vidéo qui fait couler beaucoup d'encre, elle tourne en boucle sur les réseaux sociaux là depuis ce week-end. On y voit un jeune Renois se faire maîtriser très violemment par la police ferroviaire. La séquence a été filmée en gare d'Ermont-Aubonne dans le Val d'Oise. L'un des policiers lui maintient le coude tandis qu'un autre le prend à la gorge dans le creux du bras. De nombreux internautes parlent de racisme et font un parallèle avec l'affaire Adama Traoré. La SNCF de son côté se défend et affirme que l'individu a attaqué les agents qui voulaient le contrôler. Un drame dans un petit village des Ardennes. Une mère de famille et ses deux enfants de 2 et 7 ans ont été retrouvés morts chez eux. Les corps ont été découverts dans la salle de bain. C'est le père qui a donné l'alerte. Aucune piste pour l'instant. Une enquête a été ouverte par le parquet de Reims. Un malaise qui fait beaucoup parler là depuis quelques heures, celui d'Hillary Clinton qui s'est écroulé hier devant les caméras du monde entier à New York en pleine cérémonie des attentats du 11 septembre. La candidate démocrate a été évacuée. Elle est partie se reposer chez sa fille qui a un appartement à New York. Le diagnostic est tombé quelques heures après. L'ex-secrétaire d'État souffre d'une pneumonie et doit annuler tout son programme à l'agenda d'aujourd'hui et de demain. Cela faisait un petit bout de temps qu'elle toussait pas mal lors des meetings. Ça avait été remarqué. Certains y voient déjà un manque de transparence. À 2 mois de la présidentielle, tous les candidats américains doivent remettre en fait un espèce de dossier médical avant de se présenter. Le sien faisait 2 pages. En comparaison, celui de John McCain, il y a quelques années, en faisait 1000. Ah oui, quand même. Donc il y a quand même une différence. Très bien. Bon, c'est pire pour Donald Trump. Le médecin a carrément marqué ce sera le président le plus en forme que les États-Unis n'ont jamais eu. Très bien. Le médecin est aussi amoché que Donald Trump. Il a choisi son médecin, lui. On parle sport maintenant avec la Ligue 1, du rugby et du tennis. Ouais, derby méditerranéen hier entre Nice et Marseille. Et ça a tourné à l'avantage des Aiglons dans cet épilogue de la 4e journée. Score final 3-2 et un doublé signé Super Mario. L'Italien Balotelli qui a brillé pour sa première titularisation. Rennes s'est imposé 2-0 face à Caen et défaite 3-0 de Nantes contre Metz. Au classement, Monaco et Nice se partagent la première place devant Metz et Bordeaux. Les Parisiens peuvent nourrir quelques regrets, ils ne sont que 7e. Du rugby avec la 4e journée du top 14, Grenoble s'impose 36-23 contre Brive. Toulon a dominé Toulouse 32-15 et s'adjuge par la même occasion le point du bonus offensif. Au classement dans l'ordre, La Rochelle, Clermont et le Stade Français. Et puis la joie de Stan Wawrinka à New York, le Suisse francophone a remporté l'US Open face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Victoire en 4-7, 6-7, 6-4, 7-5, 6-3. Et merci Rémi pour tout le sport du lundi. Il est 8h37 sur Skyrock. La nuit a été courte, la journée sera moins longue avec le Morning de Default sur Skyrock. C'est vrai, hein. Qu'est-ce que ça passe vite le matin, le morning, il est déjà 8h37, on se prépare pour les conseils pas chers. Tiens Rémi, rappelle-nous l'info que tu nous donnais là sur les brigadiers, là, la brigade de 300 personnes qui va contrôler les Parisiens. Et ils seront 320 à terme, c'est 320. Ça s'appelle la brigade des incivilités. En fait, voilà. Ils vont rôder dans Paris 24 sur 24, voilà, 7 sur 7. Genre vraiment des brigadiers, on a vraiment besoin de ça. Voilà, franchement, c'est ce qui manquait. Ça coûte ça coûte 10 millions à la ville de Paris. Oh bah, et le but ça coûte à la ville de Paris, ça coûte surtout aux Parisiens quoi. Voilà, le but c'est de rentabiliser avec les amendes. Ah. Non, ça, je rigole, c'est pas dit ça mais bon voilà, dès qu'on jettera des papiers et des mégots, 68 euros d'amende. Bah. Dites-nous d'ailleurs, parce qu'on en parle souvent, parce que c'est à Paris, mais est-ce que du côté de votre ville, à vous, ils ont déjà mis des arrêtés municipaux comme ça? Genre par exemple, tu jettes une cigarette et on te fait payer 68 euros. Non mais dans toutes les villes, c'est interdit. Mais actuellement, c'est vrai ça? Bah oui, c'est... Bah oui. Mais en soi, moi l'autre jour, je suis allé à Autun en Bourgogne, j'ai vidé tous mes cendriers. Oh, t'as l'enculé hein. Oh pardon, excuse-moi Romano, j'avais oublié que c'était ta ville de naissance. Ouais, mais non mais dans toutes les villes, c'est interdit de jeter des trucs par terre. Non mais interdit, mais ils te prunent. Bah et si tu te fais, ouais, si tu fais ça devant un keuf, ouais, je pense que le mec il va pas te dire bah bravo, continuez. Bon, envoyez-nous le nom de votre ville et dites-nous si vous avez entendu parler de ça chez vous. Est-ce que vous êtes pruné quand vous jetez un petit mouchoir, une petite cigarette ou n'importe quoi par la fenêtre de la voiture par exemple? Oui, par exemple. Et d'ailleurs, c'était conseil pas cher, Romano. Ouais, c'est ça, parce que moi je vais vous parler. Vinci Autoroute a fait une étude justement sur les gens sales sur l'autoroute qui balancent des trucs par leurs fenêtres et tout ça. Voilà, voilà. C'est Cédric. Voilà, tranquille. On salue d'ailleurs Cédric. Il a toujours sa clavicule cassée, c'est pour ça qu'il est pas là ce matin. Hein. Oui, ouais. Il est en convalescence. Il est en convalescence dans son lit. Alors, attendez, j'ai appris ça hier. Je vous le racontais tout à l'heure, mais je sais pas si vous étiez réveillé. Je l'ai eu hier au téléphone. Et il me dit, voilà, je me suis pas lavé depuis jeudi. Alors, il m'a dit un truc aussi, un truc marrant. Vous savez, il a le même, la même écharpe que moi j'avais. Ouais, quand pour j'avais tenir. Quand j'avais ma tendinite, ouais, pour se tenir l'épaule. Une espèce d'attelle, quoi. Voilà, ça tient l'épaule. Et il me fait, voilà, j'en ai déjà acheté deux parce qu'elle pue trop. Mais non. Le truc, il coûte 30 balles quand même. Bah c'est bien, en tout cas c'est la pharmacie vers chez lui, il va être content. Putain, vous allez vous faire une thune la pharmacie de Cédric là. Voilà, ouais, je vais en prendre une troisième parce que je l'ai pourri déjà. Mais fais, mais toi quand tu l'as eu, tu l'as changé combien de fois? Parce que moi ça pue. Je fais moi j'ai pas changé parce que je pue pas quoi. Moi si. Ah ouais, beaucoup. Donc moi, on pense à Cédric. Oui. Moi la dernière fois que je l'ai vu c'était par FaceTime. Il était en ligne avec Cariole. Ouais. Et j'ai le malheur de regarder l'écran et le mec était torse nu. Oui. Avec son attel et il avait le nez dans le frigo. Oh là là, je faim. Alors vous tiendrez au courant et bon courage Cédric. Ouais, bon courage. Bon, allez, avant de parler des déchets, avant de s'occuper de tout ça, on va vous offrir 1500 euros. Elle est où l'enveloppe? Elle est là, c'est moi qui l'ai. Et pourquoi? Bah parce que je vais l'ouvrir. Parce qu'il l'a volé. Il a volé l'enveloppe. Bon, allez, 1500 euros à gagner, c'est parti, c'est pour vous. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Ah ouais, tiens, regarde, ils mettent des amendes. On va regarder tous vos messages. Mais bien sûr, mais c'est la loi. Ponto Combo dans le 77, ils mettent des amendes pour les mégots, les salauds. C'est Fab du 77, 25 ans qui nous envoie le message. Bon, merci pour tous les messages d'ailleurs. On y va pour les 1500 euros. Et attention, nous allons chez un Florian. Oui. Un Florian qui se trouve à Bayonne, dans le 64. Nous allons donc dans un des endroits les plus chauds de France aujourd'hui, le sud-ouest. Florian Barbetegui. Comment? Barbetegui. Barbetegui. La famille Barbetegui, qu'on appelle tout de suite. 1500 euros à gagner, c'est tombé tout à l'heure à Créteil dans le 94. 94 chez Ophélie. Allô Florian? Allô? Oui, bonjour Florian. Bonjour. Bonjour, on est en direct à la radio. Bonjour. Florian vous appelle pour vous offrir des sous, la famille. 1500 euros. Ouais. Il y a 1500 euros. Et j'espère que tu nous écoutes. Ouais, oui. Parce qu'on est à la radio et on va te demander quelle est ta radio préférée, Florian. Skyrock. Skyrock, et c'est gagné. Ah, ouais. Bien joué. Et bien voilà, 1500 euros pour toi, Florian. Ah, c'est super gentil. Eh ben écoute, c'est sympa aussi de nous écouter tous les matins, ça fait plaisir Flo. Tu te présentes un peu, t'as quel âge, tout ça, tu fais quoi dans la vie? J'ai 23 ans, je suis chauffagiste. Chauffagiste.

Romano sera-t-il plus fort que lui ce matin? J'espère. 2 euros par seconde. T'imagines, Romano, la vie est belle hein, pour Cristiano. Hein. Magnifique. Magnifique. Bon, la vie est belle aussi pour toi, tu gagnes des sous. Ouais, et alors attention, oui. Par contre, la vie est moins belle sur les routes avec les gens qui sont sales. Les gens sont sales. Ouais, donc là, on parlait des mégots dans la rue. Rémi nous en parlait pendant les infos. Ouais. Là. Oui. Ça va pruner. Et d'après vos messages, ça prune. Hein. Ah ouais, mais même dans d'autres. Il n'y a pas qu'à Paris. Tiens, par exemple, tiens, on nous dit en Suisse, est-ce que c'est sale de faire pipi dans la rue? Bah ouais. Bah les chiens ils font bien. Non, bah oui, mais ils ont pas le choix. Les chiens ils vont pas aller aux chiottes. Eh ben ils ont qu'à apprendre comme tout le monde. Les chats ils y vont bien. Ouais, il y a des chats qui y vont. Oui. Ouais, 240 euros à Lausanne en Suisse pour pisser dans la rue. C'est Fabio le Suisse, 28 ans, qui nous laisse ce message. Ouais, c'est miction sur la voie publique. 280 euros les Suisses. Parce que vous êtes 240. C'est cher quand même. Ça fait cher le pipi. Oui. Donc ça existe dans plein d'endroits de France, à Paris aussi. Et ce matin, Romano, tu voulais nous parler d'une étude. Oui, une étude qui a été faite par Vinci Autoroutes. Si vous nous écoutez sur les autoroutes, on vous salue. Bon, alors, ils ont fait un sondage sur les gens, genre s'ils jettent des trucs par la fenêtre. Bon, alors c'est du déclaratif, hein, donc il y a forcément dans le... Bon, déjà, c'est énorme. Il y a 31% des gens qui ont déclaré qu'il leur arrivait déjà de jeter des trucs par la fenêtre. Bah, moi, mes cigarettes. Et sur l'autoroute. Bah oui. Ah moi j'aime pas, j'ai peur que ça prenne feu moi. Bah oui. Mais une autoroute ça prend pas feu, c'est du bitume. Non mais à côté il y a de l'herbe. Non mais avec le vent et tout, il faut jamais jeter ses mégots. Hein. Mais je les éteins. Mais avant. C'est à cause des cons comme toi qu'il y a des incendies. Ah ouais. Deux jours j'étais à Marseille, tranquille, sur l'autoroute, comme ouais. Ça. Et je me suis dit, tiens, je vais fumer. Bah ouais, faut pas, ouais. Non mais j'écrase, je voilà. Non, ouais, mais on pas. Sait jamais, tu sais, il y a du vent, ça voilà. Bon, alors le truc qui arrive numéro 1, c'est les trognons de pommes et autres noyaux de fruits. Ah, c'est même pas les clopes. Non. C'est 23% là des 31% qu'on déclarait qui balance ça par la fenêtre. T'imagines, tu roules derrière, t'es content. Mais c'est naturel ça. Ouais, mais il t'éclate le pare-brise, le mec. Le mec, il te balance un trognon de pomme sur la gueule à 130 à l'heure, je pense que tu le sens. Ouais. C'est naturel, bon, ouais. Pour les motos, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, bim, histoire d'assommer le mec. Bon, deuxième, c'est les mégots et les chewing-gums. Ouais. Et troisième, c'est les papiers, mouchoirs et emballages en tout genre à 5%. Qui le fait, tiens, Carriole, tu le fais? Jamais. Tu jettes rien? Non, bah non, j'ai une poubelle, j'attends, je garde, jamais. Bravo, Carriole, bravo. Merci, Diffoul. Je demande pas à Karim parce que je connais. Moi jamais aussi. Oh, oui. J'ai une poubelle, j'ai tout gros. Ouais. Non, moi je le fais pas sur l'autoroute, mais à Paris je vide mon cendrier. Ouais, tu vides ton cendrier. Et ça, je suis pas contente. Bah, dans la rue, tu sais. Ouais. Toi, Sam, tu es mineur, tu n'as pas de voiture. Non, mais quand je suis à côté, tu dans la voiture, mes mégots, seulement mes mégots. Les mégots, tu vois, il fait comme moi, il fout le feu. Lui. Non, mais moi ça m'arrive, genre dans Paris, je les jette quoi. D'accord. 68 euros, vous entendez la brigade, nouvelle brigade de la propreté à Paris. 68 euros pour Romano. Bon, ce matin, je travaille pour la sécurité Vinci Autoroute. Mmh. Et j'ai repéré des gens en train de jeter des trucs par la fenêtre. Il est l'heure de les verbaliser. Ah, tu vas les pruner. Ouais, et c'est bon, on appelle qui en premier? Appelle Dominique. Dominique, je sais qu'il a un Renault Capture. Comment tu sais ça? Il est fort, c'est Romano. Oui, bonjour, vous êtes la femme de Dominique? Ah non, du tout. Ah, vous n'êtes pas la femme de Dominique? Non. Vous n'avez pas un Renault Capture, vous? Non. Non. Ah ben excusez-moi, c'est trompé. C'est Pascal alors. Ah, vous êtes la femme de Pascal, c'est parce qu'on est en train de faire la liste des gens qu'on va verbaliser. Oui. Vous êtes la femme de Pascal? Oui. Oui, ah, vous avez bien un Renault Espace? Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est Monsieur Lapin, à l'appareil, je travaille pour Vinci Autoroute. Oui. Oui, et vous avez été surpris aux caméras de vidéosurveillance en train de jeter quelque chose par la fenêtre. Non, c'est une blague. Ah non, pas du tout, c'était durant cet été. Ah oui, vous savez que c'est interdit, madame? Ah bon? Eh ben oui, parce qu'elle est dans le coin ou pas? Il doit être à son atelier. Ah ben il est à son atelier, parce que je vous annonce la mauvaise nouvelle, vous allez être verbalisé à hauteur de 150 euros. Ah bon? Eh ben oui. Donc est-ce que je peux passer chez vous ce matin là? Non là, je vais partir. Ah, vous serez là vers quelle heure? En fin de journée. Eh ben je passerai vers 19h. D'accord. Eh ben vous préparez les 150 euros par contre. Voilà. Merci beaucoup madame. Au revoir monsieur. Vinci Autoroute vous remercie et j'espère vous voir rapidement sur vos routes. Voilà. Merci madame. Au revoir et bonne journée. Bravo. Bah bravo Romano. En plus, je suis sûr, ils ont dû jeter un truc, parce qu'elle avait pas l'air sûre d'elle. Ouais. T'as mon compte Marie qui a acheté un truc. 150 euros. Ah, t'y vas fort sur l'amende, hein. Ah bah c'est majoré, l'autoroute c'est toujours plus cher. Ah, c'est ah bah oui, ça. Évidemment. Et oui, forcément c'est plus cher. Il est 8h50, l'horoscope arrive dans moins d'une minute sur Skyrock. Votre horoscope de l'amour à découvrir. Rihanna, Calvin Harris aussi. Et la compile du jour. Alors compile du jour, qu'est-ce qu'on a préparé aujourd'hui? Ah, les perles du bon coin. Ah. C'est-à-dire les trucs hallucinants. Les annonces à la con. Les trucs hallucinants qui sont à vendre sur le bon coin, oui. Eh bien on vous fait la petite compile. Elle arrive sur Skyrock. 8h50. Leclerc. Papa, je te vois. Quoi? Je goûte? C'est un secret de mousse la laitière que j'ai acheté en promo chez Leclerc. Et c'est bon? Oh, si c'est bon! Chocolat au lait ou chocolat noir. Et avec en plus 40% de réduction immédiate. C'est parce que la gourmandise se partage en famille que du 6 au 17 septembre chez Leclerc, le pack de 8 secrets de mousse la laitière format familial de 472 grammes, plusieurs variétés au choix origine France avec 40% de réduction immédiate est à 1,13€, soit 2,39€ le kilo après réduction. Bon, modalité en magasin. C'est trop bon! Je sais. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et l'horoscope, c'est parti, l'horoscope de ce lundi. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et ouais, votre horoscope de l'amour, c'est parti avec les balances et les scorpions. La puissance amoureuse est à zéro pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, un petit conseil pour les célibataires déjà. Évitez de draguer quelqu'un qui est déjà en couple, sinon vous risquez d'avoir quelques petits problèmes. Et pour les couples, ne cherchez pas à contrôler votre partenaire. Ne jouez pas au keuf, faites-lui confiance, ça marchera mieux comme ça. Aïe. 1 sur 5, les gémeaux et les béliers. Une personne pourrait chercher à vous énerver aujourd'hui. Optez pour la différence et c'est vous qui aurez raison au final. 2 sur 5, les verseaux et les cancers, vous aurez pas beaucoup de temps aujourd'hui pour vos affaires de cœur. Vous vous rattraperez dans la semaine, tout ira bien. 3 sur 5, les sagittaires et les taureaux. Ouais. Vous serez zen en ce lundi, ça va attirer les autres. C'est bien, profitez. 4 sur 5, les lions et les vierges. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous avez fait des efforts ces derniers temps. C'est aujourd'hui la récolte pour les lions et les vierges. C'est 4 et c'est bien. Et 5 sur 5, les poissons et les capricornes. Eh bien, sachez que le week-end vous a bien reposé. Vous êtes complètement d'attaque pour faire des folies de votre corps. Ouais. Les poissons et les capricornes. Vous êtes les meilleurs, comme toi, Difool. Les poissons et les capricornes. Comme toi, Difool. Ah, foncez, c'est une journée où tout est possible pour nous. En effet, je suis capricorne, j'ai 5. Et Cédric, il est poisson aussi. Ah ouais, merde. Bah lui, ça va moyen. Bah oui. Avec sa clavicule pétée, bon, bah, c'est pas attends, le top. Ça marche, hein, le week-end vous a bien reposé. Ah bah, c'est, il a reposé, il est resté couché. Vous êtes prêt à faire des folies de votre corps pas ouais, bon, les folies, ouais, ça va être limité, mais... Bon, bah voilà, l'horoscope pour aujourd'hui, notre compile du jour. Les trucs chelous, d'ailleurs, si vous avez déjà vendu des trucs chelous, vous avez déjà vu des annonces cheloues sur le bon coin, vous pouvez nous envoyer vos messages 41759 et sur l'appli. Vous nous envoyez tout ça et puis on vous retrouve tout de suite, il est 8h53. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Ariana qui était en concert avec Skyrock. On parle concert, et bien on va lancer le top tout de suite pour aller voir Soprano. Et oui, parce qu'on va pas vous offrir des places pour Rihanna, c'était cet été hier, fini. Oui, fini ouais. Rihanna. Par contre, Soprano, attention, il tourne dans toute la France et forcément partout. Près de chez vous. Ouais, mais partout, partout, partout. Soprano, il va mettre le feu à toute la France et vous avez vos places à gagner dans la roulette. Si vous voulez vos places, vous vous envoyez très très vite roulette au 7-20-20. 7-20-20, vous envoyez roulette et vous irez peut-être le voir. Et bien à côté de chez vous, il passe bien sûr par Marseille. Là, c'est la grande date qu'il nous avait annoncée dans la Radio Libre. La date au... Vélodrome. Vélodrome. Au stade Vélodrome. Magnifique, hein, Sopra au Vélodrome. À la maison. Et vos places donc tout de suite. Roulette au 7-20-20, vous envoyez ça. Et avant ça, et ben, c'est la compile du jour sur Skyrock. La compile du morning de Default sur Skyrock. Alors on va faire la compile du jour. Elle n'a pas été facile à faire celle-ci parce que le choix est grand. On est allé sur le Bon Coin et on a maté un petit peu les trucs bizarres qui étaient vendus par des gens. Ah là-dessus il y a des millions d'annonces, ouais. Il y a des gens qui sont un peu bizarres. Il y en a qui vendent leur femme par exemple. Ouais. On a déjà parlé de ça. L'annonce elle reste pas longtemps parce que il y a des modérateurs qui les virent direct. Ah t'as pas le droit de vendre ta femme. Non mais il y avait même des mecs qui vendaient des organes mais ça a été refusé. Ah. Tu n'as pas le droit de vendre ton foie par exemple. Non. Carriole, t'entends ça, tu vas pas pouvoir vendre ton foie. Oh, oh merde. Merde. Personne en veut. Ouais. Alors la compile du jour c'est les perles du Bon Coin et on a les trois premiers objets qu'on a trouvé sur le Bon Coin et qu'on a choisi pour vous. Vous me dites ce que vous en pensez. Attention. Numéro 3. Un monsieur vend un volant de vélo. Oui, c'est un guidon, quoi. Alors, il faut lui expliquer que ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. C'est un guidon de vélo. Alors, il y a la photo. Regardez la gueule du machin. Mais qui va acheter ça? Fais voir. Un guidon de vélo. Bah, quelqu'un qui a peut-être besoin d'un guidon de vélo. Écoute, pourquoi pas. Mais ça, ça se vole, hein. Ah bah oui, lui, il l'a peut-être volé. Alors, je vends un volant de vélo presque neuf. Ah ouais, le truc est dégueulasse en plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus beau comme volant. Alors, un volant de vélo, c'est magnifique, c'est troisième. On passe au 2. Numéro 2, alors lui, il est complètement amoché, il a trop dû regarder Astérix ou trop lu d'Astérix. Il vend à 1000 euros, hein, attention. Un menhir ? Non. Non. Non, pas un menhir. La potion magique. Une harpe, là. La harpe du druide. Ouais. Non. Tu as dit. La potion magique. Non, il vend le chaudron magique qui marche très bien. Pour faire la potion magique. De Panoramix. Vous l'achetez et vous gagnerez de l'argent, il a mis sur son annonce. Ah bah, à mort. Et il le vend 1000 euros. Alors, attention, le truc, c'est une espèce de machin rouillé. Rouillé, dégueulasse, avec du bois dedans. Une espèce de feuille. Une espèce de cuve dégueulasse rouillée. Le mec vend ça 1000 euros, hein. Il s'est pas fait chier, le mec. Bah, en tout cas, s'il trouve un gogo qui lui achète 1000 euros, chapeau, allez. Ouah, j'achète. Ah, Cédric. Voilà, la potion magique, j'en veux. La potion magique. Voilà. Ouais. Le mec vend ça sur le Bon Coin. 1000 euros. Et attention, le meilleur. Numéro 1. Le meilleur vend une partie de son corps, justement, Romano. Une partie de son corps. Et l'annonce n'a pas été supprimée du Bon Coin. Des cheveux. Ah. Ça pourrait m'intéresser. Non, il vend pas de cheveux. Je vends mes dents de lait de quand j'étais gosse. Elles ont toutes été arrachées avec un fil et une porte en bois. Des dents de collection, ça vaut très cher. Voilà. Il vend. Voilà, donc le mec a fait une photo avec un espèce de petit bol et plein de dents de lait dégueulasses à l'intérieur. Ah putain. Et il précise quand même, il vend le petit bol avec. C'est un coquetier exactement. Oh, il est gentil. Et le mec n'a pas été à l'école parce que putain, les fautes, mais. Ah bah, il y en a une par mot, hein. Je vends VEN, mes dents DEN. Et mes M et apostrophe aussi. Hein. Oui, il a quelques difficultés. De lait LE. De quand j'étais gosse. Ouais, gosse, il manque le. Voilà, donc on a pour vous des dents de lait. Je ne sais pas quoi prendre, moi, tiens. Un chaudron magique à 1000 euros et le volant de vélo. Bah, moi, je vais récupérer les dents, moi. D'accord, pourquoi faire. Bah, pour me les mettre, s'il m'en manque quelques-unes. Ah oui, on va t'en racheter deux bientôt. Ouais. Ah ouais, bah écoute, récupère-les, on va appeler le monsieur, très bien. Merci. Cédric prend le chaudron magique, c'est bon. Voilà, à 1000 euros. Il reste le volant de vélo, hein, si ça intéresse quelqu'un. N'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra en contact avec la personne. Ouais. Les perles du Bon Coin. Bon, il y en aura d'autres. Hein. C'était la compile du jour. Il est 9h du matin sur Skyrock. Bonne journée à vous et bravo à nos gagnants pour les 1500 euros. C'est tombé déjà deux fois aujourd'hui. Bravo aux gagnants pour les iPhones. Il y en a eu trois aussi. Et dans un instant, vos places de concert, je vous l'ai dit, vous envoyez roulette au 7-20-20 et vous gagnez Soprano. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet.

Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, c'est nous, depuis 6h du matin, on se réveille avec vous. Et merci d'être là tous les matins sur Skyrock. C'est bien de se réveiller ensemble. C'est vrai. Et on a... Ah, t'as vu ça, Carriola? Oui. Ah, vous entendez, ça vient du cœur. C'est vrai, plaisir. Ouais. Bon, on vous offre plein de choses ce matin. Qu'est-ce qu'il y a, Roman? Il y a quelqu'un qui serait éventuellement intéressé pour le chaudron magique. Ah, pour les objets à la con les objets à la con du Bon Coin dont on a parlé il y a un instant. Il y a Miloc, là, qui vient de nous envoyer un message, une fille de 32 ans. Le chaudron, c'est pas un Nganga. C'est un chaudron pour de la sorcellerie, le palo. Ça vient du Congo, ça renferme un esprit. Non, mais là, c'est rien. C'est un truc rouillé pour ave. Ah oui, si tu fais si tu mets de la potion magique à l'intérieur, je pense que tu chopes le tétanos. Ouais, y a un truc. Merci, Miloc. On te fait un gros bisou. Ah, il y a Jules aussi qui prend le volant de vélo. Ah bah ouais, t'es facteur, toi. Ah bah tiens, le volant de vélo, parce que ils ont appelé ça le volant de vélo. Si vous venez de vous réveiller sur Skyrock, on est tombé sur des perles du Bon Coin. Mais le mec, faudrait lui écrire, lui dire, non, c'est pas un volant, c'est un guidon. Ça s'appelle un guidon, monsieur. Tout simplement, ouais. Le volant, là. Il est 9h07, et à 9h07, on va faire tourner la roulette. On a Julie avec nous en direct de Bordeaux, une des villes les plus chaudes de France aujourd'hui. Salut Julie. Salut les foules, salut toute l'équipe. Salut. Ça va cogner aujourd'hui. Ah, oh, ça va cogner. Oh, c'est l'horreur déjà. 37 degrés à Bordeaux. Ah ouais, bah bon courage. Ouais, 30, 35, 36, 37. Oui, 37 degrés en ville, c'est sympa. Ouais, c'est pas mal. C'est horrible. Juste être l'horreur. Oui. Bon, on n'est jamais content, vous avez vu. Vous allez voir dans 15 jours, quand il fera 10 degrés partout, on sera là. Ah, il fait froid. Non, mais je crois que dans la semaine, ça va rebaisser. Hein. Ah ouais, c'est ça. Je crois qu'on va perdre 10 degrés. Ouais. 10 degrés, ouais, on va retomber vers 20, 21. Ouais. C'est pour ça qu'on est tous enrhumés ce temps-ci. Ouais. Bah oui. Ah ouais. Bah oui. Bon, alors Julie, on va laisser tomber la température. Enfin, on va faire monter la température. Avec. Encore. Avec Soprano, les places de concert à gagner, c'est l'heure de ta roulette, Julie. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. Allez, c'est parti, on lance la roulette, Julie. Tu l'arrêtes quand tu veux et tu vas peut-être aller voir Sopra qui passe à Bordeaux aussi. Il passe partout, Sopra. Il est dans toute la France. Vous pouvez gagner vos places tout au long de la journée sur Sky. Stop ! C'est bien. Bravo. Bravo. Parfait. Ce qui est bien, c'est que la chaleur, ça te ramollit pas, toi. Hein. Non. Il sera à Bordeaux le 17 mars à la patinoire et tu gagnes tes deux places. Bravo. Pour aller voir Soprano. Ah, trop bien. Ah, mon fils va être aux anges. Eh ben, magnifique. Il a quel âge, ton fils, lui? 10 ans. Eh ben voilà, en famille, la maman, c'est le fiston, vous allez vous éclater sur Soprano. Le concert de Sopra avec deux places pour toi, c'est gagné. Il peut pousser à jouer, donc il va être aux anges ce soir quand je vais lui apprendre ça. Il est super. Allez, maman, joue, allez. Ouais. C'est ça. Il me disait, maman, envoie. Bah, t'as bien fait d'envoyer, tu vois, Julie. Deux places, voilà, de concert pour toi. Fais une bisou, fiston. Bon, mais merci beaucoup. Gros bisous à tous. Bah, bisous à toi, Julie. Gros bisous. Bonne journée. Et reviens quand tu veux, Julie. Bisous, bisous. Merci. Bon courage avec ta chaleur. Oui, bon courage, ouais. Ouais. Salut, Julie. Et à 9h09, c'est l'heure de retrouver le Zap du Morning. Qu'est-ce qui s'est passé en ce lundi matin? Bah, déjà plein de choses. C'est fou, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bah de rien. Ah oui, donc. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'est passé ce matin. C'est le Zap du Morning sur Skyrock. Ça va être énorme, c'est énorme. C'est énorme. Jean-Luc Reichmann va réveiller les familles de France et ça va être de la folie. Vous, la dernière fois, c'était... Ouais, bah tu vas te faire foutre, connard. Ça veut dire que t'as pas assuré la première fois, là. Va te faire foutre, pauvre con. Attention. Quel âge a votre zizi? Si tu as des couilles, tu viens me voir, pauvre con. Vous nous faites voir votre zizi? Ah bah tu viens dans deux secondes, pauvre type. Je t'attends. Ah. C'est vrai? Je t'attends dans deux secondes. Il y a une bonne ambiance. Ah bah, allez, ouais. Dégage, connard. Alors, Jean-Luc Reichmann a fait le réveil de star il y a un instant. Et je t'ai retrouvé le rire de Cédric, qui a l'air aussi intelligent que Jean-Luc Reichmann. Le i-i-i en particulier. Ah, attends, est-ce que c'est celui-ci? Pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Notre Cédric, qui est pas là parce qu'il a la clavicule cassée. Ouais, c'est ça, ouais. Ne ris pas, Jean-Luc, on ne se moque pas, i-i-i, du malheur des autres. Vous êtes qui ou? Je m'appelle Jean-Louis. Et je voulais savoir vers quel heure vous vous absentiez, si éventuellement il y avait du matériel à débarrasser dans la maison. Du matériel à débarrasser dans la maison? Ouais, genre des bijoux, du matériel IFI, vidéo, du matériel informatique. Ah, d'accord. Donc, vers quelle heure je peux passer? Bah, passer maintenant. Oh, ça te dérange pas que je me serve pendant que vous êtes là? Ouais, exactement. Bah, comme ça, je prendrai le petit déjeuner avec vous après. Ah bah, c'est très gentil, Philippe. Merci. Ah bah, j'arrive dans 5 minutes. De rien. Bah, de rien. On t'appelle parce qu'on t'a tiré au sort et surtout pour t'offrir 1500 euros, Philippe. Oui, bonjour Skyrock. Bonjour Ophélie. Bonjour Ophélie. Bon, ben je vais quand même te poser la question pour faire les choses bien. On fait les choses bien. La question officielle, la voici. Quelle est ta radio préférée, Ophélie ? Ma radio préférée est Skyrock. Et tu gagnes 1500 euros. Ouais, ouais. Bravo. Bien joué. Super. Merci beaucoup. Bonjour, on est en direct à la radio. Florian vous appelle pour vous offrir des sous, la famille. 1500 euros. C'est cool ça. Parce qu'on est à la radio et on va te demander quelle est ta radio préférée, Florian. Skyrock. Et c'est gagné. Ah, ouais. Bien joué. Et bien voilà, 1500 euros pour toi, Florian. Ah, c'est super gentil. Eh oui, on est comme ça, nous. 1500 euros, c'est tombé à Bayonne, où il fera très chaud. C'est tombé à Créteil aussi, chez Ophélie. Bravo à vous, bravo Florian, bravo Ophélie. Et vous aussi, 1500 euros à gagner, c'est facile. Si on vous appelle et on parle radio au téléphone, vous répondez Skyrock. On vous demande quelle est votre radio préférée. Skyrock, et c'est dans la poche. Ouais. Et inscrivez-vous toute la journée, jour et nuit même. Ah. Au 7-20-20, il faut nous envoyer 1500. Voilà, vous envoyez simplement 1500 au 7-20-20 toute la journée. Vous envoyez maintenant et on vous appellera peut-être demain. Bah oui. Hein. Si vous avez besoin d'argent, 7-20-20, vous envoyez 1500 vite dans la poche. Demain matin, on appelle. Oui, on remercie tous ceux qui étaient là ce matin. Merci à Zlatan qui est passé nous voir. Ça nous a fait plaisir de voir Zlatan. Hein. Beaucoup. À Mario Balotelli aussi qui est passé. Aussi, ouais. Danny Boone également qui est passé, qui est passé nous voir ce matin. Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann pour le réveil de Star, vous l'avez entendu. Et demain matin, une nouvelle matinée de folie. Entre 6h et 9h, ça démarre comme ça tous les matins sur Skyrock pour démarrer la journée. Et alors, attends, ça va continuer dans la folie. Alors là, c'est le pompon. Dans la folie totale, ça je vous le dis. Le pompon, le voilà, c'est Fredo. Bonjour Fredo. Ah, c'est moi le pompon. Tu es le gros pompon. J'ai un beau pompon, toi. Un très beau pompon. Oui. Bon, le week-end s'est bien passé. Bah, très bien, très bien. Bah, écoute, content de te retrouver. En tout cas, on se lundi matin. Bah, moi aussi, je suis un peu inquiet parce qu'il y a un truc orange qui vient de s'allumer, qui clignote dans le studio. Vous avez déjà eu ça, vous ou pas? Alors, ça, c'est l'alarme. Je crois qu'il y a le feu. Ah merde. Non, vous avez pas eu le droit à ce truc? Non, c'est quoi, un truc orange qui clignote? Un truc orange qui clignote, ouais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Moi non plus. Mais c'est quoi? C'est le gyrophare? Ouais, c'est le gyrophare, mais en dessous, orange. Ah, alors ça, t'es sûr qu'on les met partout, là? Ben, vous m'entendez? Vérifie s'il n'y a pas une poubelle en feu ou un truc. Je sais pas, ouais, va vérifier ça. Bon, ben, Fred qui va faire Jeanne d'Arc ce matin. Profitez-en, restez bien sur Skyrock. Il va se passer des choses tout au long de la journée. Hein. Vos places pour Soprano à gagner avec toute l'équipe. À 20h, Planète Rap, à pas louper. C'est avec toi, Fred. Ouais, à pas louper toute la semaine avec le Wattib et l'équipe du Wattib. Il y a le film qui sort. Le film qui s'appelle La Pièce. On va jouer d'ailleurs tous ensemble cette semaine à La Pièce. La Pièce. Vous connaissez le principe. Mais La Pièce. Je vous l'ai expliqué vendredi. Oui, quand tu jettes une pièce le plus près du mur. Voilà, tu prends plein de potes. Ouais. Tu leur dis par exemple des pièces de 2 euros. Hop. Celui qui met le plus proche sa pièce de 2 euros du mur remporte tout. Ah ouais, bah je pourrais venir jouer une fois. Ah. Étonnant, tiens. Planète Rap à pas louper, le Wattib à 21h, la Radio Libre à pas louper avec toute l'équipe de la Radio Libre. Le retour de Karim qui était avec nous ce matin pour remplacer Cédric. Le retour de Romano, évidemment. Ouais. Je pense que je serai dans le coin aussi. Hein. J'espère. Et puis la Marie, Samy et Cédric, bah on vous tient au courant des nouvelles de ses clavicules. Ouais. Le pauvre. Voilà. Clavicule cassée, plus aucune hygiène. Avec horrible. La chaleur en plus, ça va être beau là. Terrible. On prendra les nouvelles ce soir. Tiens, on l'aura avec nous entre 21h et minuit. Passez une belle journée, profitez bien du son de Sky. C'est parti sur la première radio urbaine mondiale. Voici Fredo. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao à toutes. Ciao. Ciao, ciao. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bon lundi à vous tous. J'espère que le week-end a été bon. La journée, par contre, va être incroyable. Profitez encore un petit peu du soleil. Pensez à vous hydrater, surtout papy et mamie, hein, c'est important aujourd'hui. À 9h15, le son sur Skyrock, ça continue. Et c'est reparti même d'ailleurs pour une nouvelle matinée de son avec Ken Jones et Don't Mind. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson. That I wanna teach, I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey,

I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Folie, folie, folie. aussi. Hey. À l'instant sur Skyrock, le son de Frank Ocean, c'était Pink plus White. Le son, ça continue aussi avec Shai PMW. Shai, c'est une artiste qui nous vient de Belgique, hein, du côté de Bruxelles. Elle était repérée par Booba. On l'écoute maintenant avec son morceau PMW. Et puis juste après, un petit retour en arrière qui, j'espère, vous fera plaisir. Ce sera Craig David à écouter Seven Days. Ça arrive. Hey, hey, c'est chaque canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Mes voyous veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JP qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchon dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Sois gagné. On est foncé dans la vie.